So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Sur Fun Radio. Bonjour à vous, vendredi 24 juin. Bonjour au micro qui grince, c'était celui de Khalid d'ailleurs. Bien sûr. Qui est direct. Bonjour mon Khalid, bonjour. Hello, bonjour la Justine. Hello. Et le Jean-François qui est là ce matin. Il bonjour. Fait un drôle de bruit, ça va Jean-François? Ça va bien, ça va bien. Bon, t'as décidé de venir travailler ce matin? Ouais, quand même, je me suis dit tiens, j'ai vu qu'il y avait un peu de lumière en passant devant. Et je me dis tiens, je vais rentrer. Bon, dans un instant les infos, la météo, le son de Drake. Et puis toute l'équipe qui se met autour de la table pour vous dire bonjour comme chaque jour. Du gros cadeau à gagner tout à l'heure avec le Pop 4 de chez Alcatel, encore à rafler ce matin. Et peut-être vos vacances. Avec nous, il est 6h sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Et bienvenue à tous et bon réveil sur Fun Radio. Il est 6h pile, l'actualité de ce vendredi, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. La grève générale menée par les syndicats socialistes francophones et néerlandophones va perturber l'ensemble du pays aujourd'hui. L'objectif est de protester contre les mesures du gouvernement Michel. Les transports en commun seront très perturbés. Attendez-vous aussi à des perturbations dans les écoles et les hôpitaux. Et de nombreuses entreprises devraient aussi tourner au ralenti. Des actions seront menées partout en Wallonie et à Bruxelles par la FGTB, mais aussi au nord du pays. À Liège, l'économie sera complètement à l'arrêt. Le secteur industriel, mais aussi l'aéroport. Les grandes enseignes commerciales comme Ikea, Cora ou encore Carrefour seront fermées. Les hôpitaux fonctionneront comme ils le font le week-end. Il devrait aussi y avoir des problèmes au niveau de la collecte des déchets. Même chose du côté de Charleroi avec des piquets de grève qui seront placés devant les entreprises privées et publiques. Le milieu industriel sera là aussi à l'arrêt. Les commerces seront fortement touchés. On attend de gros blocages également du côté de Namur et dans le Brabant Wallon ainsi que dans les principales grandes villes. Par ailleurs, la grève générale perturbera certainement les transports en commun dans toute la Belgique. La SNCB conseille carrément aux voyageurs voyageurs de ne pas compter sur les trains pour leurs déplacements. Et puis en Wallonie, le réseau TEC devrait également subir des perturbations. Les transports en commun invitent leurs usagers à consulter les sites internet pour avoir des informations plus précises. Chez nous toujours, des orages ont frappé hier soir et cette nuit de nombreuses régions en Belgique, avec à certains endroits pas mal de dégâts matériels. Des fortes pluies accompagnées de grêles par endroits ont frappé plusieurs régions, avec des témoignages de personnes qui ont notamment parlé de grêlons aussi grands que des balles de golf, avec les rafales de vent très violentes. Des arbres sont tombés sur l'autoroute A54, notamment entre Nivelles et Charleroi. Une partie de la route était d'ailleurs encore fermée ce matin pour le nettoyage. Un jeune homme de 23 ans est également malheureusement décédé à Faye-les-Manages quand un arbre est tombé sur sa camionnette. Dans le reste de l'actualité, l'homme armé qui s'était retranché hier après-midi dans un cinéma de l'ouest de l'Allemagne a été tué par la police. La police de Wirnheim, une ville située à 75 km au sud de Francfort, a confirmé qu'il avait été abattu lors de l'assaut donné par la police. Si dans un premier temps, de nombreux médias allemands avaient fait état de nombreux blessés, ce sont finalement des personnes qui ont souffert d'intoxication par les gaz lacrymogènes qui ont dû être soignées. Mais il n'y a donc aucune victime. L'homme masqué portait une ceinture de cartouches autour de l'épaule lorsqu'il a pénétré dans le cinéma vers 15h en tirant en l'air, selon plusieurs informations. Confirmé, cette action n'a pas de lien avec le terrorisme. Un petit mot fin de sport pour vous dire qu'on n'a pas joué à l'Euro hier et on ne jouera pas non plus aujourd'hui. La phase de qualification est bel et bien terminée. Les 16 équipes qualifiées entrent dans le vif du sujet dès demain avec les 8e de finale du tournoi. Suisse-Pologne, Pays de Galles, Irlande du Nord et Croatie-Portugal sont les affiches prévues ce samedi. Dimanche, c'est la France qui jouera contre l'Irlande, l'Allemagne contre la Slovaquie et enfin la Belgique face à la Hongrie dans un match qui se jouera à 21h à Toulouse. Les 8e de finale s'achèveront lundi avec un duel très attendu entre l'Italie et l'Espagne, mais aussi un match entre l'Angleterre et l'Islande qui s'est invité au rendez-vous. Fun Radio. Fun. Soutenir les Belges à la piscine. Allez Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez Kevin. Lâchez-vous, Neckermann. Vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Après une nuit agitée, est-ce que ça va continuer comme ça? Alors c'est vrai que le ciel est couvert par exemple sur Bruxelles ce matin. On prend des nouvelles des autres villes ce matin, notamment des collaborateurs qui sont coincés. Alors Jean-François Queux nous annonce l'IRM. Le temps sera de nouveau variable avec des averses qui se concentreront principalement sur la partie est du pays, qui pourrait encore mener à quelques orages mais moins forts que ces dernières heures. Il fera sec à la côte et dans l'ouest de la Belgique avec des périodes ensoleillées dans l'après-midi. Côté température, les maxima s'élèveront à 20 degrés au littoral, 23 degrés dans le centre et jusqu'à 26 degrés dans le sud-est du pays. Demain, les averses viendront régulièrement arroser l'est du pays. Le temps sera sec à la côte. La météo restera plus variable de dimanche à mercredi, avec pas mal de périodes ensoleillées. On se retrouve à 6h30 pour les prochaines infos. Et tout de suite, c'est Drake sur Fun Radio. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. Baby, I like it so. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like it so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I take it slow, make you lose control. Dernier jour de la semaine, 6h07 sur Fun Radio, vendredi 24 juin, c'est aujourd'hui, je m'appelle Evan et on est ensemble jusqu'à un peu plus de 9h, c'est Evan avec toute ma tribu, on chante le générique du jour. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, une bande de déconneurs. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait trop du bien. C'est quoi ton nouveau truc là? C'est ton nouveau jouet? Ah, c'est un vrai cochon, hein. Bah, avec, oui, c'est ça. Je pensais que c'était Jean-François qui faisait ce bruit-là au départ avec ses fesses. À chaque fois qu'en fait tu lui pinces les tétons, c'est il fait ça. Mais pas du tout. En fait, c'est vraiment un cochon. Oui. D'une très rose d'ailleurs, rose fluo. Ah bah écoute, il sort tout juste de boîte. Tu peux mettre un truc à l'intérieur ou pas? Oh bah vu la taille, oui, la dimension, on peut certainement mettre des choses, mais de très petits diamètres. Et si jamais il vient de sortir de boîte, ça me fait penser à My Poster. Il took a pills, je pense. Il a took a pills, c'est pas drôle. Ça. Raymond est là, bonjour Raymond. Raymond notre coq qui est là tous les matins sur Fun Radio. Justine est là, Sandro n'est pas là hein, pour la deuxième fois consécutive. Alors c'est quoi le prétexte? C'est encore les Belges qui ont joué hier cette fois-ci? Ouais, je sais pas, un burn-out suite à la défaite de je sais pas quelle équipe. Personne n'a joué hier en foot. Non, justement c'est ça le mec, c'est à cause de Okay. Bon, il faut qu'il trouve un bon prétexte. Il aura un bon de retard tout à l'heure avant d'arriver au collège. Un bon de retard? Ouais, tu sais quand tu vas à l'école. Signer des parents. Jean-François est de retour ce matin également. Jean-François, ça va mieux? Ça va beaucoup mieux. Et t'es fatigué un petit peu hier hein? Absolument pas fatigué. problème de chargeur de GSM qui est, voilà. Mais bon, après voilà, je me suis loupé hein. Je veux pas Fait la gueule. Bah non, je faisais la gueule quand je me suis réveillé à 7h10 et que je me suis dit c'est bien. Non, mais attends, parce que j'ai vécu ce que Jean-François a vécu la saison passée et ça pique la tête à un moment donné. Oh, tout autour le... Sauf que toi tu l'as vécu vraiment beaucoup de fois hein. Effectivement. Allez, Jean-François il fait la tête ce matin parce que je suis arrivé vers 5h50, je fais t'as décidé de venir travailler ce matin. Hier on avait un repas de fin de saison avant les vacances parce qu'on s'installera la semaine prochaine à Seignos du côté du sud-ouest de la France et donc pour ce repas il me dit ouais je suis désolé, je suis arrivé en retard. Je fais c'est pas grave, mais c'était surtout louper le repas d'hier midi qui était top quoi. On a passé du bon temps, on a pensé à toi hein, Jean-François, vraiment. Bon, qu'est-ce qu'on va vous dire pour ce matin? Déjà bonjour et bon courage si vous êtes où que vous soyez avec des inondations un peu partout. Donc je voudrais que vous me fassiez un petit point météo sur les conditions que vous avez chez vous. Et aussi ce matin, savoir si alors c'est assez compliqué parce que ceux qui nous entendent pas pourront pas évidemment répondre, mais on va savoir où est-ce que nos émetteurs fonctionnent bien ce matin, parce qu'avec tous les orages etc. Ah oui. Il y a eu des problèmes électriques dans la nuit, des problèmes techniques. Donc si vous nous entendez sur n'importe quelle fréquence de Belgique, dites-nous où vous êtes et sur quelle fréquence, comme ça on sait que ce matin il n'y a pas de dégâts à cet endroit-là sur l'orage. Je vais tousser parce que j'ai une poussière qui m'est rentrée dans le... En fait, il y a personne qui nous écoute aujourd'hui parce que tous les émetteurs sont down. Par contre, Jean-François, range-moi ton émetteur là, il dépasse ton pantalon. Ça va pas. Hey, ça va. Attends, mais le pire, attends. Dans ton malheur, Evan, est-ce que tu as remarqué que tu as mis ton t-shirt à l'envers? Non. Ah oui. Ah, oui. Non. Il est au bout de sa vie, regarde. Putain. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as fait ton Swiffer, t'as avalé de la poussière. J'ai une poussière qui m'est rentrée dans la gorge. Bon, tu sais, les bonnettes, elles sont dégueulasses. C'est la bonnette de Vince et de Mike. Ils ont des gens bizarres le soir. Putain, j'en peux plus, je te jure. Ah, j'ai envie de chialer. Mais pas à cause de la poussière, hein, tout simplement. Bon, j'ai mis mon t-shirt à l'envers, sérieux? Mais oui. Merde. Regarde l'étiquette au bas en bas à gauche. Merde, bon, bah, je vais le remettre à l'endroit. Non, fais pas ça, non. Dans un instant, Deoro sur Fun Radio pour le Sand Dance Floor. Je pense sans m'avancer que ce sera le son de l'été 2016. Hein. Il y aura du Riab aussi. Hey. Est-ce qu'on fête des prénoms aujourd'hui, Justine? Et si oui, lesquels? On fête les John, les Johan, les Evan et puis les Jean. C'est ma fête aujourd'hui. C'est ta fête. C'est ma fête et la fête de mon beau-papa qui s'appelle Jean, on l'appelle Janus. Voilà. Mais enfin. Janus parce que ça rime avec. Bah écoute, avec Janus. Stradivarius. Avec Stradivarius, exactement. Galantis, c'est ce qui arrive tout de suite. Et juste derrière, vous découvrirez notre nouveau jeu qu'on fait le matin de temps en temps depuis maintenant le milieu de la semaine. Le jeu du T'es qu'un connard. Juste après, le son de Galantis sur Fun Radio. Sur Fun Radio, il y aura l'horoscope aux alentours de 6h20, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. On le fait comme tous les matins pour savoir ce que vous réservent les astres. Et puis, il y aura du gros cadeau à gagner. Justine, qu'est-ce qu'on aura tout à l'heure à gagner ce matin pour la dernière fois d'ailleurs de cette semaine? Attends, ton micro, il faut qu'il fonctionne, ce serait sympa. Oui. Allez, bosse, c'est pas parce que c'est la grève générale, micro. On vous offre des Alcatel, des smartphones, les tout derniers de chez Alcatel. Il s'agit des Pop 4. Très bien, faut que tu dises comment on s'inscrit parce que moi pendant ce temps-là j'essaye de résoudre un problème technique. Tu comprends qu'il faut que tu meubles là. Ok, d'accord, ok. Donc si vous voulez vous inscrire, vous envoyez le code POP, POP suivi de toutes vos coordonnées et vous envoyez tout ça au 6322, c'est 1 euro par message. Bonne chance à vous, j'appellerai chez vous tout à l'heure 6h16. On va écouter les meilleurs moments de l'émission et on a fait un jeu, nouveau jeu qu'on kiffe désormais. Ça s'appelle le jeu de T'es qu'un connard si vous ne savez pas ce que c'est exactement. Vous allez donc réécouter ça maintenant, les meilleurs moments de l'émission sur Fun Radio. écoutez, ça s'est passé chez Evan et la tribu. Sur Fun Radio, attention, je vais vous donner un top dans un instant. On vous a expliqué que dans l'équipe, souvent c'est affectueux, on se dit t'es qu'un connard, mais c'est juste comme ça, pour le kiff, pour le plaisir. Et on va faire un jeu pendant une minute. Vous allez m'appeler à ce numéro, Justine. 02 851 4x0. Et sans filtre, on va vous passer à l'antenne les uns après les autres en une minute. Et à chaque fois que je dis allô, vous avez juste à dire Evan, t'es qu'un connard. Voilà, attention, vous êtes prêts pour le top? 02 851 4x0. Vous appelez maintenant. On y va, on va voir si le standard va suivre, parce que ça appelle déjà. Allô, bonjour, qui est là? Allô? Allô? C'est dommage que le standard marche, parce que tout de suite ça pète. Allô, la dynamique. Allô, bonjour, quel est ton prénom? T'es un connard. Ouais. Il est pressé de dire 02 851 4x0. Allô, bonjour, qui est là? Allô? C'était quoi ton prénom? C'était quoi ton prénom? Je te fais un gros bisou, ma chérie. On prend un autre appel. Allô, bonjour, qui est là? Evan, t'es quel connard? Oui. C'est quoi ton prénom, mon doudou? Maxime. Maxime, je te fais un gros bisou. Allô, bonjour, qui est là? Allô, bonjour, qui est là? T'es qu'un connard. T'es qu'un connard. Quel est ton... Quel est ton prénom? Lorenza. Lorenza, je te fais un énorme bisou, ma chérie. Allô, bonjour, qui est là? Bonjour, t'es qu'un connard. Tous en chansons. 02 851 4x0, le festival de t'es qu'un connard. Quel est ton prénom, ma chérie? Ghislaine. Je te fais un énorme bisou, passe une belle journée. Allô, bonjour, qui est là? Oui, bonjour, Francine. T'avais un truc à me dire? Festival de quelqu'un connard ce matin. 02 851 4x0. Allô, bonjour, qui est là? Allô? Oui. Oui, je t'écoute. Quelqu'un connard. C'est fait, on dirait une ligne rose. Je t'embrasse. Allô, bonjour, qui est là? Vous passez en direct sans filtre. 02 851 4x0. Qu'est-ce que tu voulais me dire, ma doudou? Bah rien, bonne journée. Mais toi aussi, je t'embrasse très fort. Allô, bonjour, c'était... Il fallait dire t'es qu'un connard. Allô? Evan, t'es un gros connard. Allô, bonjour, qui est là? Allô, t'es à l'antenne. C'est Fred. Oui, Fred, tu voulais me dire un truc? Ouais, t'es un connard. Bisous, mon Fred, je t'embrasse. Allô, bonjour, allô, qui est là? T'es qu'un connard. Allez, on prend un dernier appel. 7h21. Allô, bonjour, qui est là? Allô, c'est Carlito. Allô, c'est qui? C'est Carlito. Carlito, tu voulais me dire quoi? Connard. Et le dernier pour la route. Allô, bonjour, qui est là? Jérémy. Bonjour Jérémy, tu voulais dire connard. Bon, 7h22, c'est le festival t'es qu'un connard ce matin. 02 851 4x0. Je vous envoie Martin Solveig, le standard. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡Qué la cosa! Fácil no jodas. 16h22 sur Fun Radio. Je vous ai calé le son de Rihab dans un instant et vos messages par SMS au 3044. Je vais vous demander ce matin si tout allait bien de votre côté, si vous êtes en train de nous écouter actuellement, dans quelle ville vous êtes. Il y a Julie qui nous dit qu'elle nous écoute sur 104.6 du côté de Laeken. Il y a Isa qui nous dit: je suis à Liège, je vous entends bien, le ciel se dégage, on est vendredi, tout va bien, big up à toute l'équipe, bisous ma Isa. Il y a Soso qui nous dit: il pleut à Liège, mais il fait chaud, est-ce que je dois sortir en bikini? Et ben tu sais, c'est ce que j'ai pensé hier soir. À un moment j'étais sous la pluie, mais il faisait tellement chaud que j'ai l'impression d'être dans les tropiques hier. C'est tropical ça, comme c'est incroyable. Non mais tellement il faisait chaud, t'avais envie de prendre une douche sous la pluie, de sortir tu sais, ton shampoing et vraiment de te doucher. C'était super agréable. Par contre hier il faisait lourd, hein. Sans déconner, je sais pas si moi du côté de Bruxelles c'était genre 28 degrés. Il y avait vraiment une chaleur pesante. Alors, je sais pas si vous avez bien dormi, mais j'ai ressenti cette température comme si on était dans les tropiques, quoi. Ça tu sais à cause de quoi c'est? Non. La pollution, mon vœu. Sérieux? Ben ouais. Et donc vous à Mons c'était pareil? Ça allait très bien. Ah ouais, oui, vous avez moi, pas. Moi hier à Mons, je suis allée en voiture chez Ikea et mon thermostat affichait 37 degrés. J'ai pris une photo. 37 degrés l'après-midi. 37, ouais. Mais vous aviez la sensation de chaleur pesante comme on avait sur Bruxelles aussi. C'était invivable. De toute façon, moi, j'ai bien vécu ma nuit à bord de mon kayak, donc ça va. Je salue le moustique qui m'a fait chier aussi toute la nuit, qui m'a piqué le pied, cet enfoiré. Oui, moi aussi, les moustiques qui débarquent là. Ils m'emmerdent. Quelle horreur. Rihab à suivre sur Fun Radio. On salue Tristan également, Vincent qui se réveille avec nous ce matin du côté de Bruxelles. Bonjour à vous les doudous. L'horoscope. On débute avec les béliers. Vous réagirez au quart de tour avec peut-être un peu trop d'insolence. Les taureaux. Vous avez besoin d'une journée tranquille à l'écart de tous vos soucis quotidiens. Gémeaux. Vous aurez tendance à imposer vos idées sans vraiment tenir compte de l'avis de vos proches. Les cancers. Prenez soin de vous aujourd'hui, cela vous rendra plus efficace pour toute la semaine à venir. Les lions. Vous pourriez avoir une bonne idée durant la journée. Vierge. Vous pouvez sans complexe vous appuyer sur le soutien de vos proches. Balance. Votre conjoint trouvera les bons mots pour vous apaiser. Scorpion. La journée vous laissera le temps de réfléchir à toutes vos erreurs. Les sagittaires. Le week-end est le bienvenu, vous aviez au moins besoin de ça pour repartir. Les capricornes. L'ambiance de couple sera au beau fixe. Bien. Mais n'oubliez pas de fixer vos limites. Les verseaux. Vous pourriez remettre à jour un projet de longue date. Et les poissons pour terminer. Vous avez les capacités pour atteindre votre objectif, alors ne doutez plus de vous. Allez, bon courage pour cette journée, 6h25 sur Fun Radio. Voici le son de Rihab. Il y a juste après DJ Snake qui est calé. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h avec Oli sur Fun Radio. Party Fun. Les plus grands DJs de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin. Avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Oskan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJs mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Votre série inédite, ce soir à 21h45 sur Plug RTL, Salem. Je ne suis à Salem que depuis 2 semaines et j'ai déjà pendu 3 sorcières. Dans des temps reculés de la jeune Amérique, la chasse aux sorcières a commencé. La terre réclame le sang des innocents. Qu'attendez-vous de moi, mademoiselle Hale? De la justice pour tous les autres innocents que l'on pendra au nom de cette barbarie. Salem, ce soir à 21h45. Plug RTL. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry faced and I care what you think. My name's blurry faced and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream.

Ouais, bon vendredi et bon réveil à tous sur Fun Radio. Il est 6h31, l'actualité, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. La grève générale menée par les syndicats socialistes francophones et néerlandophones perturbera l'ensemble du pays aujourd'hui. L'objectif est de protester contre les mesures du gouvernement Michel. Les transports en commun seront très perturbés. Attendez-vous aussi à des perturbations dans les écoles, les hôpitaux et de nombreuses entreprises devraient ainsi tourner au ralenti. Les actions seront menées partout en Wallonie et à Bruxelles par la FGTV, mais aussi au nord du pays. Comme on l'a dit, les administrations, plusieurs entreprises, mais aussi pas mal de supermarchés seront fermés. De grosses perturbations sont aussi attendues à la SNCB et dans les transports en commun. Les orages ont frappé hier soir et encore cette nuit de nombreuses régions de Belgique, avec certains endroits pas mal de dégâts. Les fortes pluies accompagnées de grêle par endroits et d'un fort vent ont frappé plusieurs régions, avec des témoignages de personnes qui ont notamment parlé de grêlons aussi grands que des balles de golf, avec des rafales de vent très violentes. Des arbres sont tombés sur l'autoroute A54 entre Nivelles et Charleroi. Et puis un jeune homme est malheureusement décédé, un jeune homme de 23 ans est décédé, un jeune homme de Faye-les-Manage, quand un arbre est tombé sur sa camionnette. Les passagers d'un train sur la ligne London à Celtegeng ont quant à eux été bloqués pendant près de 5 heures aux environs de Saint-Tron. Ils ont pu être libérés en gare d'Asselt vers 2h30 cette nuit. Il était 21h30 quand le train a cessé de circuler en raison des intempéries, alors que les arbres entravaient les voies. Comme le train était dans une région isolée, il a été choisi de ne pas évacuer les passagers. La SNCB s'est chargée de leur apporter de quoi boire et manger durant l'attente. Le train a ensuite été couplé à une autre locomotive vers la gare d'Asselt, une opération qui a été menée jusqu'à 2h30 ce matin. Des perturbations sont aussi prévues sur la ligne dans la matinée. L'homme armé qui s'était retranché hier après-midi dans un cinéma de l'ouest de l'Allemagne a été tué par la police. La police de Wirnheimen, une ville située à 75 km au sud de Francfort, a confirmé qu'il avait été abattu lors de l'assaut donné par la police. Si dans un premier temps, de nombreux médias allemands avaient fait état de nombreux blessés, ce sont finalement des personnes intoxiquées par les gaz lacrymogènes qui ont dû être soignées. L'homme portait une ceinture de cartouches autour de l'épaule lorsqu'il a pénétré dans un cinéma vers 15h en tirant en l'air. Selon plusieurs informations confirmées, cette action n'a pas de lien avec le terrorisme. Le camp des partisans d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le Leave, est donné vainqueur du référendum organisé hier sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union Européenne par les projections de la BBC et d'ITV. À 5h45 ce matin, le Leave comptait plus de 800 000 voix d'avance sur le camp du Remain. La livre britannique, qui s'était envolée au-dessus des 1,50 $ à la fermeture des bureaux de vote britanniques, est quant à elle tombée au plus bas depuis 1985 ce matin dans les échanges asiatiques. On attend évidemment les résultats définitifs car l'ensemble des bureaux n'a pas été dépouillé. La météo de ce vendredi 24 juin. Le temps sera de nouveau variable avec des averses qui se concentreront principalement sur la partie est du pays et qui pourraient mener à des orages. Il fera sec à la côte et dans l'ouest de la Belgique avec des périodes ensoleillées dans l'après-midi. Les maxima s'élèveront à 20 degrés au littoral et à 23 degrés dans le centre, jusqu'à 26 degrés dans le sud-est du territoire. On se retrouve pour les prochaines infos à 7h et tout de suite c'est le retour du son Dance Floor sur Fun Radio. Du son Dance Floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Sign of how this might end. much more to lose when you talk, talk. All you wanna do is talk, talk. All I wanted was your reckless heart. Il est 6h38 sur Fun Radio, vendredi 24 juin, c'est aujourd'hui, dernier jour de la semaine, le week-end approche et la semaine prochaine on sera pour la dernière semaine avant les vacances depuis le sud-ouest de la France, depuis le club El Ambra de Seignos. Toute la semaine prochaine entre 6h et 9h, on fera l'émission normalement, sauf qu'on aura évidemment plein de petites surprises pour vous. On vous fera vivre les activités sur place, tout ça sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Alors j'ai Aurélien, fidèle de l'émission, qui me dit: moi je vous dis bonne nuit ici, parce que lui il va se coucher, grand soleil du côté de Tournai. Donc ce matin, on vous demande quel temps vous avez, quelle température. On fera un point dans un instant avec Khalid. Surtout, vous n'êtes pas emmerdé par les inondations. Il y a eu beaucoup de pluie cette nuit. Si vous avez des orages, si vous n'avez pas d'orages ce matin, ici sur Bruxelles, c'est plutôt couvert. Un mot sur les messages qui ont été envoyés sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu. Justine. Alors Daniela nous dit: hello la tribu, catastrophe ce temps à la maison. Moi j'habite Mons et ça ne va pas du tout. On a des bisous aussi de Michel et puis de Martin qui viennent de rejoindre le Snap. Et puis alors on a Joachim qui nous dit: hello les rondelles, comment vous allez aujourd'hui? Bon vendredi à tous et surtout bon week-end. Nous on va bien. Moi ce qui m'a gonflé hier, je sais pas vous, autour de la table, c'est vraiment le côté, on était collant toute la journée avec la température, tu sais. Moi je me suis mis en short, mais le short il était trop grand par rapport à mon t-shirt, donc c'était moche. Mais j'ai quand même assumé le truc, j'ai préféré avoir moins froid aux jambes, être moins collant aux jambes et mettre ce short de merde. Oui, effectivement, sur de merde, de toute façon, t'as que des chaussures parachutes, c'est horrible. Oh, putain, c'est vrai qu'il faut que la semaine prochaine, je sais pas comment je vais faire au bord de la plage. Hein. En tout cas, vive les jambes de coq, hein, on va prendre beaucoup de photos. Hein. Yolande, bonjour ma doudou. Hello, hello. Comment t'as vécu la chaleur et les orages hier? Bah hier, je pense que quand je suis rentrée, je ressemblais plus à rien. J'avais tous mes cheveux qui étaient collés sur mon visage, tout. Enfin, comme tous les matins. Et après, non, je suis superbe le matin. T'as dégouliné. Toujours. Oh, Yolande qui dégouline. Oh, ouais. Oh, de sensualité. Bien j'adore sûr. Quand tu dégoulines, Yolande. Et sans déconner, j'étais ravi de voir la pluie arriver hier, tellement il faisait chaud et lourd. T'imagines, ouais. C'est vraiment en deux jours, on est passé genre de 20 degrés à 30, 37 à Mons, c'est ce qu'avait Justine hier. Allez, un mot sur les températures, justement, qu'il fait chez vous. On vous lit ce matin et c'est Khalid qui regarde tous vos petits messages. 19 degrés du côté de Mons, c'est signé Isa. 20 degrés du côté de Dinan, merci à toi Jess. Martial nous annonce 21 degrés à Arlon. Et alors Omar nous annonce 19 degrés du côté de Huy, merci à toi. Voici la phrase Facebook du jour, 6h41. Le sexe surprise est la meilleure façon de se réveiller le matin, sauf si t'es en prison. Je viens de visualiser le truc. Ça pique. Bon, après, quand t'es en prison, il faut bien prendre un petit peu de plaisir aussi, je veux dire. Enfin, c'est dans un seul sens, hein, pas dans les deux sens. C'est humain, je veux dire. Bah, on salue d'ailleurs tous ceux, toutes celles qui nous écoutent peut-être en prison ce matin. Voici Imani avec Don't Be So Shy sur Fun. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hands? And I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. race so much faster. I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Du son Dance Floor et de la déconne sur Fun Radio, il est 6h44, c'est Evan, c'est la tribu, on va vous offrir vos vacances avec nous la semaine prochaine. Justine, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots, sans faire ton résumé man comme Khalid, ce qui va se passer la semaine prochaine pour l'un ou l'une d'entre vous? La semaine prochaine, en fait, c'est déjà demain. Ouais, enfin bon... Demain, très tôt au matin. Ah oui, déjà demain. Quoi? Un concours express. Alors, explique un peu. Alors, on vous offre la possibilité de partir avec nous en vacances. Donc, on part demain, une semaine, dans le sud de la France. On a regardé la météo, franchement, il fait top. Ouais. Et donc, en fait, on partirait ici, donc demain avec Khalid, on part en voiture, on fait tout le trajet ensemble. Et puis, on vous offre une semaine en Club Bellambra avec pension complète. Et activité. Ah oui. Et activité aussi. Il y a juste un truc, c'est la participation aux frais de transport. Sport qui 400 est de combien euros, c'est ça, hein. Combien 400 euros oui. Non, c'est vraiment minime. Donc, si vous avez envie de jouer avec nous, si vous avez envie de partir en vacances une semaine avec nous demain en Club Bellambra, il y a encore une place. On a lancé le concours hier, hein, c'est ça? Oui. Et donc aujourd'hui, on va faire un tirage au sort en fin d'émission. Comment vous inscrire, Justine? Vous envoyez le code EVAN, suivi de votre nom, votre prénom et votre âge, et vous envoyez le tout au 6322. C'est 1 euro par message. Bonne chance à vous. On fera le tirage au sort donc en fin d'émission. 6h45. Je vous demande ce matin de citer les endroits où vous nous écoutez, notamment parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'orages cette nuit, et donc on était un peu inquiet pour nos émetteurs, parce que c'est l'orage et les émetteurs, si vous voulez, ça fait pas bon ménage. Alors ça fait pas bon manage. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, je l'ai fait bien. Attends, allez, roulement de tambour, oui. On voit que c'est toi qui as l'arrêt, hein. Ouais, là. Coup de poing. Oui, quoi? Ben rien, mais je voulais dire que sur le Facebook, ça a déjà réagi. Et puis on a Ange qui nous écoute de Mons du 93.9. On a aussi Laura du 104.7 à Halle, ça fonctionne. Et puis David de Flémal qui nous écoute sur le 99.0. Et Khalid. Également Yves de Open qui nous dit: votre émetteur fonctionne très bien. Jonathan de Liège sur le 99, ça capte, merci beaucoup. Et Bénédicte du côté de Namur, tout va bien. Vos messages par SMS au 3044, c'est 50 centimes. Il y a le Snapchat de l'émission Evan et la tribu, le Facebook et puis le 02 851 4x0. Juste après le son de Martin Solveig, on va parler, les doudous, de Facebook, qui en ce moment a tendance à supprimer les comptes du jour au lendemain. Et c'est ce qui est arrivé à Khalid, qui mais fait oui. sa bouche en V là ce matin. Mais oui. Et qui a envie, entre guillemets, d'insulter nos amis de Facebook. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il nous expliquera tout dans un instant. Et c'est pas le seul. À la radio, il y a plein d'animateurs également qui ont eu leur compte Facebook supprimé comme ça, du jour au lendemain. On en reparle juste après. Martin Solveig. Il y aura Soprano également avant 7h. Bienvenue, bonjour. Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List avec Oli sur Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées, en envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h, le samedi, c'est la Fun List sur Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Couleur café, il y a ceux qui adhèrent et d'autres qui adorent. C'est une expérience de vie pour les jeunes. Ah ouais papa, on s'éclate trop. C'est surtout l'ouverture aux autres. Tu veux dire qu'on chope des filles? Ça veut dire que c'est un univers qui vous emporte. Ah ouais, on plane grave. Ils en reviennent transformés. C'est sûr, il me faudra une semaine pour m'en remettre. Quelle que soit la raison qui vous amène à Couleur Café, la STIB vous ramène gratuitement. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Un site d'offres d'emploi traditionnel

8h54 sur Fun Radio, je vous ai calé Soprano dans un instant, juste avant 7h avec Le Diable ne s'habille plus en Prada. On vous offre vos vacances avec nous la semaine prochaine, direction le club Bellambra au bord de l'Atlantique à Seignos. C'est dans le sud-ouest, c'est vers la région de Biarritz. On a regardé en plus la météo qui sera estivale la semaine prochaine. Et alors c'est simple, si vous voulez venir avec nous, filles ou garçons, vous partez avec toute l'équipe. Alors il y a l'équipe du morning, il y a aussi l'équipe d'Audrey, l'Happy Hour qui sera sur place entre 17h et 20h. Je peux vous promettre que ça risque d'être une sacrée putain de semaine de teuf. Oh, oui. Je veux rien dire, mais il va y avoir du lâchage dans tous les sens. Moi, j'ai pas l'intention d'être sage la semaine prochaine. Hein. Je vous préviens, j'ai pas l'intention. Dormir, oui, mais être sage, non. Parce que bon, il faut que je préserve un petit peu mon sommeil. On devrait te faire passer un alcotest tous les matins, mec. C'est horrible. Non, mais pas forcément par rapport à la boisson, mais juste envie de faire la teuf, envie de faire du surf. Il y a un parc qui s'appelle. Adrénaline Park. Ouais, il est pas facile à dire. Il y a plein de trucs également, donc vraiment on a envie. Alors, si vous voulez venir avec nous, tirage au sort en fin d'émission, il suffit de vous inscrire. On est déjà en train de faire les présélections. Comment s'inscrire, Juju? Vous envoyez le code Evan suivi de votre nom, votre prénom et votre âge, et vous envoyez le tout au 6322. C'est 1 euro par message seulement. Oui, c'est pour la valeur du séjour. Je vous rappelle, c'est quand même en club Bellambra que vous êtes hébergé, et il y a la pension complète. Hein. Bouffée à volonté. Et je peux vous dire que pour avoir été plusieurs fois avec la radio dans les clubs Bellambra, tu prends des kilos parce que t'as envie de tout bouffer. Obèse FM, bonjour. Non mais c'est vrai, sans déconner, il y a tellement d'entrées, tellement de plats, etc. C'est un self à volonté, t'as envie de tout goûter. Et donc du coup oui, je les ai prévenus, et donc du coup ils vont réduire les quantités. Dans un instant, on parlera de la mésaventure de Khalid. En gros, qu'est-ce qui t'est arrivé avec nos copains de chez Facebook? C'est simple, je veux me connecter. Ouais. À un moment donné, on m'a dit, reconnectez-vous avec votre vrai prénom, votre vrai nom de famille, et envoie une pièce d'identité, comme si j'étais un fugitif, j'étais fiché S. Mais c'est n'importe quoi. On va en parler dans un instant, juste après le son de Soprano. Il y a un mot de circulation, si tu voulais dire. Oui, on nous signale, salut les rondelles, blocage à hauteur de Guilanguin. Ce n'est malheureusement pas signé, donc prudence à vous, il y a beaucoup d'eau sur les routes. Ça, on a fait l'expérience ce matin, et ça bouchonne déjà à cette heure-ci. Donc vraiment, vraiment prudence à vous. On voit sur la E19, le E42 des gens en kayak passer. Des gens en bateau, en jet ski. En pirogue également. Allez, voici le son de Soprano. Juste derrière, on parlera donc de ce qui se passe en ce moment sur Facebook, où il y a beaucoup, beaucoup de comptes qui sont supprimés comme ça du jour au lendemain. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leurs morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. dépasser son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève. Dancefloor et la déconne sur Fun Radio, le nouveau Soprano que je viens de vous passer à l'instant. Parfois vous êtes dur hein, dans vos messages par SMS au 3044. Il y a Quentin de Gosé qui me dit je pleure le Soprano de Psychiatre de la Rime et chaque nouveau son est plus affligeant que le précédent. Oh. Betch la tribu. Bah, Quentin, moi je connaissais pas bien Soprano de Psychiatre de la Rime, donc j'aime beaucoup le Soprano actuel et je trouve que franchement, moi je respecte l'univers artistique aujourd'hui de Soprano. Pas de souci avec ça. Et surtout que par rapport à certains artistes, lui il sait pas au niveau des textes, il s'est allégé mais ça reste quand même de bons textes quoi. C'est pas comme certains qui crient. Sans faire le débat, je pense qu'en fait Soprano il est décrié pour l'époque Psychiatre de la Rime parce qu'aujourd'hui il est devenu populaire. Voilà. Et que parfois ça ennuie un peu qu'un artiste devienne populaire entre guillemets. Du côté de Hat, on vous capte nickel, c'est ce qu'on nous dit. Bezos les rondelles, c'est pas signé. Mettez bien votre prénom quand vous envoyez un SMS ou quand vous appelez également 02851 4x0 et sur le Facebook de l'émission. Dans un instant, David Guetta va arriver. On reviendra donc sur le phénomène Facebook en ce moment qui a tendance à couper du jour au lendemain les comptes sur le petit-déj gratos. On sera dans quelle ville ce matin? On sera à Aisne-Saint-Pierre, à la Louvière. Vendredi, c'est aujourd'hui, il est 7h. Bonjour! Salut Raymond! Fun! Fun Radio! Et bienvenue à tous et bon début de journée sur Fun Radio. Bon vendredi tout le monde, il est 7h01, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Nuit d'enfer pour bon nombre de familles. Les orages violents se sont abattus principalement sur Bruxelles et les provinces du Hainaut et du Brabant Wallon, où le plan provincial d'urgence a été déclenché. Les intempéries ont causé également la mort d'une personne. Il s'agit d'un jeune Montois de 23 ans qui a été tué par un arbre qui est tombé sur sa camionnette à Faye-les-Manages. Dans le Hainaut, toujours l'autoroute A54, l'une des principales voies d'accès vers Charleroi est fermée à hauteur des nivelles à cause d'arbres tombés sur la chaussée à Gouy-les-Piétons. Un pylône électrique s'est plié en deux, privant de nombreux foyers d'électricité. Et puis toujours dans la région de Nivelles, une centaine de personnes ont été bloquées une partie de la nuit dans des trains. Dans le Brabant Wallon, à Cours-Saint-Étienne, certains habitants ont même été hébergés dans un centre d'accueil. La toiture du centre sportif de Jodogne s'est quant à elle effondrée. Le centre est détruit, mais on ne déplore heureusement pas de victimes. Et puis à Bruxelles, les pompiers ont été submergés d'appels, notamment pour des caves inondées, des routes sous eau, principalement à Molenbeek, Laken, Gansoren, Berkem, Saint-Agathe, Jette, Anderlecht ou encore à Forêt. La circulation du métro a également dû être interrompue une partie de la soirée entre Simonis et la station Roi-Baudouin. La grève générale menée par les syndicats socialistes francophones et néerlandophones va perturber l'ensemble du pays aujourd'hui. L'objectif est de protester contre les mesures du gouvernement Michel. Les transports en commun seront très perturbés ainsi que le trafic sur le rail. Attendez-vous également à des perturbations dans les écoles et les hôpitaux. De nombreuses entreprises devraient tourner au ralenti et notamment également bon nombre de supermarchés. Le camp des partisans d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le Leave, est donné vainqueur du référendum organisé hier sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, selon les projections de la BBC notamment, se matérialise l'hypothèse à laquelle personne n'osait croire tout haut. Le Royaume-Uni devrait quitter l'Union Européenne qu'il avait rejointe en 1973. À 5h45 ce matin, le Leave comptait plus de 800 000 voix d'avance sur le camp du Remain. On attendait cependant encore les résultats d'une quarantaine de circonscriptions. Le résultat est un camouflet pour le Premier ministre David Cameron qui avait promis ce référendum durant la campagne électorale de 2015 et avait pris la tête du camp du Remain après avoir négocié un accord avec ses partenaires européens. Juste un mot quand même avec ce truc là en Angleterre, moi je pensais qu'ils allaient pas voter oui, je pensais qu'ils allaient voter non. Et visiblement ça prend vraiment la tournure du oui là avec 800 000 voix d'avance, c'est ça? Non mais non, ils disent qu'ils veulent sortir, hein. Attention. Hein. Oui mais c'est ce que je dis, je pensais que le non l'emporterait et là en fait c'est le oui qui on veut se barrer. Ouais. Justine, toi tu t'en fous de cette info ou franchement t'es inquiète? Infos, en fait de Jean-François. Ok. Voilà, simplement. Au moins t'es franche. Bah oui, bah écoute, je fais autre chose, voilà. Je travaille. Un mot là-dessus? C'est une catastrophe. Ouais, moi aussi, ça m'inquiète. Ouais, oh, ça m'inquiète. Oui. Jean-François, autre chose? Bah non, on va passer à la météo si tu veux bien. Non, je veux pas. D'accord. Fun Radio. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Les doudous, 6 jours avant les vacances officielles, ça sera le vendredi 1er juillet. On va se reposer, mettre plus le réveil le matin. Ça va nous faire du bien parce que c'est vrai qu'après 10 mois comme ça, on avoue vraiment que avoir nos têtes et avoir l'état de notre cerveau commence un petit peu à fatiguer. Dans un instant, David Guetta pour le son Dance Floor, 7h03, la météo du jour, Jean-François. Le temps sera de nouveau variable avec des averses qui se concentreront principalement sur la partie est du pays, qui pourrait mener encore quelques orages fort heureusement moins violents que ceux de ces dernières heures. Il fera sec à la côte et dans l'ouest de la Belgique, avec des périodes ensoleillées l'après-midi. Les maxima s'élèveront à 20 degrés au littoral, 23 dans le centre et 26 degrés dans le sud-est du territoire. Et puis, encore des averses pour ce week-end. La météo restera variable de dimanche à mercredi prochain, avec quand même quelques périodes ensoleillées. Fun Radio. Trafic. Allez, un point sur vos conditions de circulation parce qu'avec les inondations, évidemment, il y a plein d'axes qui sont coupés. On en parlait notamment dans les informations avec en raison de chutes d'arbres. Donc l'autoroute est fermée, c'est sur la A54 dans le sens Nivelles vers Charleroi entre Petit-Reux et Lutre. Et puis également en raison de chutes d'arbres, il y a une voie de gauche qui est fermée, c'est sur la E411 Namur en direction de Bruxelles entre Aiguezé et Torrent-Baie-Saint-Tron. Et puis on signale également un accident sur le ring de Bruxelles en direction du ring intérieur à hauteur de Macquelen. On se retrouve à 7h30 pour les prochaines infos et tout de suite, celles sont Dance Floor sur Fun Radio avec David Guetta. Fun Radio. Fun. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son Dance Floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. instants sur Fun Radio, je vais vous offrir votre Pop 4 de chez Alcatel. Dernière occasion de rafler ce téléphone ce matin, il est 7h09, c'est vendredi. Bonjour, c'est Evan et la tribu. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h, tout le monde est les connards. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. Et ça fait trop du bien. Tu m'as même entendu crier, c'est parce qu'à un moment Jean-François a voulu me faire un gros bisou, mais il est tout en sueur et il bave. Il glisse. C'est un chien. Non, c'est un escargot. Une limace. Il bave, il rampe et il fait des traces. Hein, c'est énorme coquille. Comme si Justine était nue et n'avait pas de jambes, c'est pour vous dire. Dans un instant sur Fun Radio. On pourra la suivre à la trace. Pour rajouter, c'était très imagé, les enfants n'ont pas compris. Cheat codes dans un instant et toute l'équipe est là sur Fun Radio. Justine, Khalid, Jean-François, Yolande. Il n'y a même pas que les enfants qui n'avaient pas compris. Mais non, rien à voir, il a dit cheat codes et c'est ma chanson préférée en ce moment, donc j'ai fait oh oui. Ah bah tiens, et c'est ça cheat codes. Il y a des canards ou quoi? Tu voudrais bien te mettre nu sur cette chanson, s'il te plaît. Ok. Oh, okay. Oh non. Unique aussi et calé. Quel prénom nous fêtons aujourd'hui, Justine? On fête les gens, on fête les Johan, les John et les Evan. Bonne fête. Bonne fête à moi-même ce matin, ce vendredi 24 juin. Toi, t'es qu'un connard. Justine, on va offrir le Pop 4 de chez Alcatel dans un instant. Comment s'inscrire? Vous envoyez le code POP suivi de vos coordonnées. Vous envoyez tout ça au 6322. C'est 1€ par message. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Khalid? On va y revenir maintenant sur ce dossier, le fameux dossier Facebook. Il y raconte un peu. Et puis surtout, je vais demander aux auditeurs de nous témoigner ce matin s'ils ont eu des embrouilles comme ça avec Facebook. Hier après-midi, j'ai voulu me connecter sur mon compte Facebook comme d'habitude. Sauf que là, j'ai reçu un message spécial de Facebook me demandant de mettre mon nom, mon vrai nom, mon vrai prénom et une copie d'une pièce d'identité. J'ai dit, pourquoi ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut quand même rappeler qu'à la base, hein, Khalid s'appelle Jean-Pierre Martin. C'est ça. Et j'assume pas. C'est pour ça. Donc, Mais pourquoi? Alors, c'est pas le seul. Je sais que Lloyd qui fait le 9h-13h, ça lui est arrivé. Ouais. Oli qui fait Party Fun, ça lui est arrivé aussi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi d'un seul coup Facebook comme ça ferme des comptes qui sont des comptes perso? Mais ça fait un petit moment qu'ils font la chasse aux faux comptes, pardon. C'est-à-dire que quand c'est pas un prénom et un nom, on va dire logique, directement ils le bloquent. Par exemple, moi c'est Evan Jiguet. Toi, t'auras pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est un vrai prénom et un vrai nom. Ah ouais. En fait, c'est en fonction de comment tu t'inscris à la base. Si dans ton nom et ton prénom tu as mis ceux que tu as actuellement, t'auras pas de soucis. Okay. Par contre, si par exemple t'as mis, je sais pas, par exemple moi Justine Laurent et qu'après j'aurais changé Laurent en autre chose, eh bien alors là je peux avoir des problèmes et on peut me supprimer mon compte. En fait, ils veulent que maintenant les noms et prénoms soient officiels pour tous les comptes. Il est chiant Zuckerberg, merde. Bah non, moi, je trouve ça plutôt bien. Ouais, mais non, ouais. Franchement, je trouve ça bien. Yo-yo, vas-y, gueule un coup. Ben oui, moi je me suis inscrite avec un autre nom sous une autre radio quand j'étais en radio locale. Et puis après, maintenant j'ai changé. Donc, Yolande N'Golo. Oui, parce que c'est très vendeur. Mais sinon, je voulais juste dire à Facebook que Fun Radio, c'est bien mon nom de famille. Voilà. Donc Yolande. Fun Radio. Et non, mais le vrai nom, ton vrai nom, c'est Fun Radio. Mais non, c'est Tupperware, que je sais plus comment ça s'appelle. Tupperware, c'est ça. Si vous cherchez Yolande sur Facebook, vous tapez Yolande Tupperware. Un message, salut la tribu, vous êtes architectural, je vous aime les connards. C'est une Toto de Bruxelles qui nous dit ça. Salut Evan et les connards, le blême avec Soprano, c'est qu'il ne faut pas écouter les paroles, mais se laisser entraîner par la zik, car si tu écoutes les paroles, il faut féliciter son petit frère de 7 ans pour l'écriture. C'est Jojo de Grédoisseau qui nous dit ça. PS, Justine, je te kiffe. Il est 7h13. Petit déj gratos sur Fun Radio. Le petit déj gratos, alors je vous dis tout de suite, ça n'ouvre qu'à 8h, 8h05. Donc on va pas vous donner l'adresse maintenant, c'est pas la peine de prendre de l'avance. Par contre, on peut déjà dire dans quelle ville on sera tout à l'heure. On sera précisément à N-Saint-Pierre, donc de la Louvière. Version la Louvière, version Louvierrois. Louvierrois, c'est ça? Louvierrois, c'est ça. Louvierrois, Louvieroise, cher Louvierrois, Louvieroise, nous serons chez vous tout à l'heure à partir de 8h pour le petit déj gratos. Il est 7h14, juste après Cheat Codes, qui est l'un des morceaux préférés de Justine en ce moment. Je vous offrirai le Pop 4 de chez Alcatel. Vous envoyez bien Pop par SMS au 6322 pour l'inscription. C'est 1€ par message envoyé ou reçu. Bonne chance. That was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal. And I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasy. sex. Chris Brown à suivre avant 7h30 sur Fun Radio. Il y aura Fabien Feyesh aux alentours de 7h45. Et comme ce sont les derniers jours avant la pause de la saison, avant les vacances, on fait le best-of, les meilleurs moments de Fabien Feyesh, ceux que vous avez le plus kiffé en deux saisons. Qui n'a pas choisi d'ailleurs son Fabien Feyesh ici? Jean-François, t'as pas choisi ton Feyesh tout à l'heure, donc pense-y, t'as déjà une petite idée? Ouais, je pense. Très bien, 7h45, Fabien Feyesh tout à l'heure, et il est l'heure de vous offrir votre Pop 4 de chez Alcatel. Vous avez envoyé Pop par SMS au 63 22, 1 euro par message. Je fais sonner chez vous, on en a encore deux à vous offrir ce matin. Si vous décrochez, c'est gagné. Et puis dans 5 minutes, on vous offrira vos vacances. On vous expliquera surtout comment on va pouvoir vous offrir vos vacances avec nous, tout frais payé avec la pension complète, dans un club bel en bras, le long de la côte atlantique, dans le sud-ouest de la France. Pour nous accompagner toute la semaine prochaine, on fera le morning là-bas en direct à partir de 6h. J'ai entendu qu'Audrey avait les mêmes problèmes que nous. Beaucoup de répondeurs en ce moment. Les gens s'inscrivent et derrière ils ne décrochent pas. Et derrière, moi je ne comprends pas. Ah, derrière. Allô. Bonjour, bonjour, c'est Karine. Bonjour, vous pouvez me laisser votre message après le bip. D'accord, mais c'est ce que je vais faire. Oui, bonjour Karine, c'est Eva de la tribu à l'appareil. Je t'appelais pour t'offrir ton Pop 4 de chez Alcatel. Malheureusement, tu n'as pas décroché, ça veut dire que ça... Eh bien, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Je vais garder cette voix jusqu'à 9h, ça vous va? C'est génial, c'est insupportable. Dans un instant, sur Fun Radio, il y aura Benny Benassi et Chris Brown. Et on vous expliquera également comment vous allez pouvoir gagner vos vacances avec nous. Il va parler comme ça toute sa vie. Bon, une baguette de pain, s'il vous plaît. C'est moi, Hip. Nos diables rouges sont gonflés à bloc. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges se qualifient pour les quarts de finale, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10%. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. samedi 10 décembre. Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son dance floor. Oh, qu'est-ce alors ? C'est l'été. Public Belgique va t'apporter de la chaleur en plus avec un hors-série 100% beau gosse. Plus de 200 photos super hot de tes people préférés. Et plus de 20 pages de jeux coquins rien que pour toi. Alors n'attends pas, ton magazine Public Belgique spécial Beau Gosse est déjà disponible en librairie. Pour vous secouer dès le matin, yeah. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. Il est 7h22 sur Fun Radio, avant les infos de 7h30, Enrique Iglesias, c'est ce qui va arriver. Justine, on va partir en vacances la semaine prochaine et faire les missions en même temps. C'est l'une des joies de faire de la radio comme ça. On sera en direct d'un club bel en bras dans le sud-ouest de la France et on va vous offrir votre séjour avec nous. Vous allez nous accompagner, on vous paye l'hébergement, mais c'est pas tout. Qu'est-ce que vous avez aussi dans le séjour de compris? On vous offre tout, donc l'hébergement chez bel en bras, donc quand même vachement stylé. Les activités aussi, parce que c'est la capitale du surf, c'est près de Biarritz. Grave. Et puis on est en pension complète. C'est-à-dire bouffe à volonté. Alors comment s'inscrire pour participer au tirage au sort qui aura lieu juste en fin d'émission aux alentours de 9h05. Vous nous accompagnez et vous partez demain, fille ou garçon. Alors vous partez pas en couple, hein, vous partez tout seul, ouais. Et je vous dis tout de suite, vous serez hébergé dans la même chambre que Justine. Dommage pour les garçons. Alors Juju, comment s'inscrire? Vous envoyez le code EVAN suivi de votre nom, votre prénom et votre âge. Et vous envoyez tout ça au 6322. C'est 1€ par message. C'est marrant, depuis que j'ai dit ça, j'ai comme l'impression que les inscriptions masculines sont en train de exploser de ouf, hein. Bonne chance, tirage sort à 9h05 et c'est Justine qui s'occupera du tirage tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire? 7h23, tiens, on va offrir un Pop 4 de chez Alcatel. Il me reste une minute pour le faire, vous êtes inscrit. Donc je vais faire sonner chez vous, on a eu un répondeur il y a 5 minutes. Je vais pas lâcher l'affaire comme ça. Avant 8h, du Fabien Feyesh. Il y aura aussi le Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François, qui commence à nous énerver parce qu'on trouve pas ce qu'il y a dedans. Et il m'agace. C'est ma boîte ou c'est moi qui t'énerve? Les deux. Ah. Attends. Allô? Oui, bonjour. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi, j'avais pas monté le téléphone, donc j'entendais pas le bip qui sonnait. Bonjour, quel est ton prénom? C'est Katurka. Katurka, hein, c'est ça? Oui, Katurka. Et tu habites à quel endroit? Jumet. T'habites... Jumet, c'est ça. C'est toi tout à l'heure qui a envoyé un message en disant que t'allais pas bien? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, doudou? Ben, en fait, je suis un petit peu déprimée pour le moment. En fait, c'est le contre-coup, hein. J'ai tout accumulé, c'est l'accumulation. Ah ben, c'est les... Comment ils appellent ça? Les burn-out en ce moment, c'est ça? Burn-out. Ça déborde beaucoup, ça. Hein. Les burn-out, c'est quand Jean-François se balade en slip. À l'info. Bon, ma choupette, j'ai quand même une bonne nouvelle pour essayer de te remonter le moral. C'est que le Pop 4 de chez Alcatel, et ben, c'est bon, c'est gagné. Yeah. Oh, super.

eso, yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso. ¿Solo con un beso? Yo quiero acabar. ¿Yo quiero acabar yo? Ese sufrimiento. ¿Sufrimiento? Que te hace llorar. Et tout est chorail. Il est 7h30 sur Fun Radio, My Posner. Dans un instant, Fabien Feyesh va arriver aux alentours de 7h45. On aura le son d'Unique avec Merci aussi, c'est ce qui va débarquer. Et Justin Timberlake. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a 80€ à rafler d'ici 8h. Jean-François nous énerve avec son qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Au départ, il pensait que ça allait être très vite trouvé. Et puis finalement, non. Vous tournez autour du pot. On va pardonner les indices tout de suite. On les donne dans un quart d'heure. Ça va pour vous? Vous êtes bien? Vous êtes là? Vous êtes bien? C'est super. Attention, attention, bougez pas. Fun Radio. Fun. Restez bien là, dans moins de 15 minutes, c'est Fabien Feyesh qui débarque sur Fun Radio. Mais d'abord, 7h31, les informations de ce vendredi, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Nuit d'enfer pour bon nombre de familles. Les orages violents se sont abattus principalement sur Bruxelles et les provinces du Hainaut et du Brabant Wallon, où le plan provincial d'urgence a été déclenché. Les intempéries ont causé la mort d'une personne. Il s'agit d'un jeune Montois de 23 ans. Il a été tué par un arbre qui est tombé sur sa camionnette à Failly-des-Manages. Dans le Hainaut, toujours, l'autoroute A54, l'une des principales voies d'accès vers Charleroi, est fermée à hauteur de Nivelles à cause d'arbres tombés sur la chaussée. À Gouy-les-Piétons, un pylône électrique s'est plié en deux, privant de nombreux foyers d'électricité. Et puis toujours dans la région de Nivelles, une centaine de personnes ont été bloquées une partie de la nuit dans les trains. Dans le Brabant Wallon, à Cours-Saint-Étienne, certains habitants ont même été hébergés dans un centre d'accueil. La toiture du centre sportif de Jodogne s'est quant à elle carrément effondrée. Le centre est détruit, mais on déplore heureusement pas de victimes. À Bruxelles, les pompiers ont été submergés d'appels, notamment pour des caves inondées, des routes sous eau, principalement à Molenbeek, Laeken, Gansoren, Berkem, Saint-Agathe, Jet, Anderlecht ou encore à Forêt. La circulation du métro a dû être interrompue une partie de la soirée entre les stations Simonis et Roi-Baudouin. La grève générale menée par les syndicats socialistes francophones et néerlandophones perturbera l'ensemble du pays aujourd'hui. L'objectif est de protester contre les mesures du gouvernement Michel. Les transports en commun seront très perturbés ainsi que le trafic sur le rail. Attendez-vous aussi à des perturbations dans les écoles et les hôpitaux. Et de nombreuses entreprises devraient tourner aussi au ralenti ainsi que les supermarchés. Décidément. Le camp des partisans d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le Leave, est donné vainqueur du référendum organisé hier sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union Européenne par les projections de la BBC notamment. Se matérialise ainsi l'hypothèse à laquelle personne n'osait croire tout haut. Le Royaume-Uni devrait quitter l'Union Européenne qu'il avait rejointe en 1973. Vers 5h45, le Leave comptait déjà plus de 800 000 voix d'avance sur le camp du Remain. On attendait cependant les résultats d'une quarantaine de circonscriptions. Le résultat est un camouflet pour le Premier ministre David Cameron, qui avait promis ce référendum durant la campagne électorale de 2015. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Là, je vois les titres hein, comme ça en direct. Les Britanniques claquent la porte de l'Europe. Les marchés financiers internationaux en chute libre. Voilà ce qui est mis sur beaucoup de titres. Ça inquiète un petit peu tout le monde quand même cette histoire. On y reviendra tout à l'heure aux alentours de 8h. D'abord un mot sur la météo de ce vendredi 24 juin. Jeff. Le temps sera de nouveau variable avec des averses qui se concentreront principalement sur la partie est du pays. Il fera sec à la côte et dans l'ouest de la Belgique avec des périodes ensoleillées dans l'après-midi. Les maxima de température s'élèveront 20 degrés au littoral, 23 degrés dans le centre et jusqu'à 26 degrés dans le sud-est du territoire. Prochain rendez-vous de l'info à 8h et tout de suite le son dance floor sur Fun Radio avec Fun Mike. C'est Fun Radio ici. Il m'a perturbé avec ses vivacités. Vivacité sera pour l'année prochaine. Non, non, d'accord. Dans moins de 15 minutes, Fabien Feyesh débarque dans Evan et la tribu sur Fun Radio. 6h-9h, du son dance floor et de la déconne. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, oh, I know sad souls, sad souls. Il est 7h38 sur Fun Radio, du son Dance Floor et de la déconne. Dans un instant, ça sera Fabien Feyesh. Alors comme ce sont les derniers jours avant les vacances officielles, on passe les meilleurs moments de Feyesh, ceux qui vous ont fait kiffer. Vous pouvez nous les proposer sur le Snapchat de l'émission Evan et la Tribu, sur le Facebook ou bien directement au standard 02 851 4x0. Nous allons jouer maintenant au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. On va prendre un petit peu d'avance par rapport à d'habitude parce que c'est chaud comme la braise. Il y a 80 euros dans la cagnotte aujourd'hui à gagner. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors, Jean-François, c'est toi qui as planqué un objet dans la boîte depuis plusieurs jours. On essaye de deviner évidemment ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a 80 euros dans la cagnotte. On va rappeler quels sont l'ensemble des indices. Puis ensuite, tu vas donner un très bon indice pour avancer dans la cagnotte ce matin. On va peut-être ajouter d'ailleurs 10 euros pour aller à 90. Moi, ça me ferait plaisir. 90 euros, c'est un beau cadeau. Alors, les indices. Alors, on sait que c'est un objet rond qui roule, qui est en rapport avec le sport en général. Parfois, il peut y avoir de la terre dessus. Qu'est-ce qu'on sait? On sait aussi qu'il y a l'indice plage et l'indice air. Ok, alors est-ce qu'on n'a aucun autre indice à donner? Alors ce n'est pas des chaussures de foot évidemment, puisqu'on a dit que c'était rond. Alors il paraît que ce n'est pas une balle en caoutchouc pour les raquettes de plage. On a dit aussi que ce n'était pas un ballon de plage, hein, c'est ce qui avait été dit je crois par Eleonore. Alors Jean-François, mon doudou, le seul, l'unique, celui qui a décidé de venir travailler ce matin. Jean-François, un indice supplémentaire important pour 90 euros ce matin à mettre dans la cagnotte du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Bien, l'indice supplémentaire, je veux carrément le dire, c'est réellement un ballon. Donc, mais c'est un ballon. C'est un ballon. Mais il faut évidemment me dire c'est un ballon de quoi. Il faut être très précis dans la réponse. Donc, oui, parce que pour 90 euros, on le file pas comme ça. Il faut voilà, une précision donc, très très sur la matière. Dans la matière. Voilà. Ok, très bien. Pour jouer

Il est 7h45 sur Fun Radio. Je vous ai calé avant 8h. Le son qui rend heureux tout le monde, le son de Justin Timberlake. Voilà ce qui arrive juste avant le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Je rappelle qu'il y a 90€ ce matin. On sait désormais que c'est un ballon qu'il y a de planqué dans la boîte de Jean-François. Hein, c'est ça, hein, Justine? Tu me regardes avec des yeux bizarres. Non, ben non, c'est pas trompé, ça. Tu me fais peur des fois. Mais punaise, j'ai rien fait. Putain, des fois, t'aurais dû tourner dans des films d'horreur, tu sais, genre. Enfin, je regarde avec genre Conjuring, voilà. Oui. Genre, elle a été possédée. Ah, je suis possédée, ouais. Possédée. On rappelle donc que c'est un ballon. Si vous pensez savoir ce qu'il y a pour 90€ ce matin dans la boîte de Jean-François, voici comment jouer. Vous envoyez le code EVAN suivi de votre proposition et vous envoyez ça au 6322. C'est 1€ par message. On salue Geoffrey qui nous écoute ce matin. On a Bruno, on a Mickaël également qui sont là. Ariane du côté de Tubize également. Il sera avec nous tous les matins 7h46. Fabien Feillèche. J-6 avant nos vacances officielles de l'été 2016. Et donc du coup j'ai choisi chaque matin de passer les meilleurs moments de Fabien Feillèche. Il y a eu 2 saisons complètes de Fabien Feillèche. C'est vous qui pouvez également choisir ces meilleurs moments. Pour ça vous avez le numéro du standard 02 851 4x0. Et également les messages sur le Snapchat. Jean-François, c'est toi qui choisis le Feillèche du jour. Alors qu'est-ce que tu proposes? J'ai proposé le petit Robert, parce que je pense me souvenir d'avoir entendu où il sonnait au petit Robert pour une histoire de définition et tout. Et quand même, le délire était pas mal et ça m'avait fait beaucoup rire. Le petit Robert, on rappelle que c'est un dictionnaire en gros, hein, et Fabien Feillèche a appelé le petit Robert pensant que c'était une vraie personne finalement. Robert, bonjour. Allô, bonjour, je m'appelle Fabien Feillèche. J'aurais parlé au petit Robert, s'il vous plaît. Oui, madame, je vous écoute. C'est monsieur. Hein. Monsieur, pardon. Non, parce pardon. Que moi j'ai un souci avec le bouquin de Robert. C'est quoi votre souci, monsieur? En fait, moi je suis un dingue d'orthographe et j'ai remarqué une énorme faute. Oui. Robert, il a écrit canard avec un C, alors que canard, c'est avec un K. Si c'était un C, ça ferait sanard. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. Ah bon, bah, donc je suis pas fou. Bon, alors comment on fait? Je vais vous communiquer un mail. Ouais. Vous envoyez votre réclamation par mail. Ouais, allez-y. Relation, ouais. Au singulier. Comment vous l'écrivez, relation? Deux S? Non, sans S, au singulier. Non, relation, le sion, deux S, jusqu'à deux voyelles. Non, monsieur, relation, pas deux S, avec T-O-N. Alors, attendez, donc R-E-L-A... R-E-L-A-T-O-N. T-S-S-I-O-N, sion, relation, en fait, ça fait pas relation, hein. Pas tion, monsieur, relation. Après, c'est quoi? Point, monsieur, point, relation au singulier, point. D'accord, donc point, donc c'est P-O-U, point. Monsieur, vous l'écrivez le point, pauvre. Oui, bah, oui, je sais, je suis sur le point, là, P-O-U. 2 secondes, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, je reprends la communication derrière ma collègue. Oui. Donc, vous devez nous faire parvenir un mail. D'accord. Avec l'erreur que vous avez constatée. Très bien, je peux avoir l'adresse, s'il vous plaît? C'est relation singulier. Relation, il y a deux L. Relation. Non, monsieur, je vais vous appeler le mot, monsieur. C'est R de Robert. Donc, Robert, c'est le petit Robert, là, ou le grand Robert? C'est pas le petit Robert, monsieur. C'est le grand. C'est le grand Robert. Non, c'est pas le grand Robert non plus, monsieur. Oui, je suis là, oui. R comme René. Ah, il n'y a plus de... Ah, d'accord, parce qu'on m'avait dit Robert. Donc c'est René. Non, monsieur, il faut pas écrire R comme Robert. Bon, attendez, je vais noter parce que là, c'est... Monsieur, excusez-moi, je vous passe ma responsable. Monsieur? Allô? Bonjour, monsieur. Je reprends la communication derrière ma collègue. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, vous avez envoyé une réclamation par mail. Oui. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'envoyer à le Robert. Un Robert, donc il n'a pas de nom de famille particulier, Robert, on met Robert, tout le monde sait non, qui c'est. Non, monsieur, le Robert tout court, c'est le Robert tout court. Tout court, c'est nom de famille tout court? Mais il ne faut pas écrire les mots tout court, monsieur. Ah, faut mettre que le prénom? C'est pas un nom de famille tout court, monsieur, excusez-moi, le Robert c'est un dictionnaire. D'accord, et vous êtes, par rapport à Robert tout court, vous êtes qui en fait? Je suis responsable du bureau, monsieur. De Robert tout court? Oui, de Robert tout court. Fabien Feillèche. C'est pas le petit Robert, monsieur. C'est le grand Robert? Non, c'est pas le grand Robert non plus. Écoutez toute la journée, quand vous voulez, Fabien Feillèche, sur soundcloud.com, en tapant dans le moteur de recherche Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h. Avec Oli sur Fun Radio. Party Fun. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin. Avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Oskan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor.

my blood is rushing on. I don't need no reason, don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Merci. Comment il s'appelle le cochon d'ailleurs qu'on a cette semaine dans le studio? Je sais pas moi. Bah, il faut que... Comment il s'appelle? Pour Gorky. Gorky. Gorky. Gorky. Gorky. Gorky. On va appeler Gorky, c'est bon. 7h57 sur Fun Radio dans un instant. Le son de Rochelle. Il est content, hein, il a son nouveau nom là. Il est content. C'est, merci Gorky. Écoute, mets-le avec le coq, ils vont faire des enfants, ce sera drôle. Parfait. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Nous avons 90 euros dans la cagnotte ce matin du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Rappel des principaux indices, notamment qui ont été donnés depuis le début, parce qu'il y a peut-être des gens qui arrivent en cours de route et c'est important d'être clair sur les indices. Eh bien, on sait que c'est en rapport avec la plage, avec l'air, avec le jeu. On sait que ce ne sont pas des chaussures de foot. Et puis Jeff nous a dit qu'il s'agissait bel et bien d'un ballon. Par contre, on sait que ce n'est pas un ballon en caoutchouc pour les raquettes de plage. Alors, vous avez envoyé Evan EVN, suivi de votre proposition de réponse au 6322. C'est 1 euro par message, mais il y a quand même 90 euros à gagner ce matin pour faire vos propositions de réponse. Et j'ai avec nous Jasmine qui est du côté de Visé. Bonjour Jasmine. Bonjour Evan, bonjour la tribu. Jasmine, bienvenue à toi. Pas trop pourri avec les températures, le temps, les orages à Visé, ça s'est bien passé? Oh, ça a été un gros orage hier soir. Bon, tu es où dans ta voiture là? Tu es au boulot? Je suis sur le parking de l'école, oui. Parfait. Alors avant 8h, avant d'emmener les enfants à l'école, il y a peut-être 90 euros qui vont partir du côté de Visé ce matin grâce au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François. Quelle est, Jasmine, ta proposition de réponse? Un ballon de volet en mousse. Un ballon de volet en mousse, Jean-François, pour 90 euros ce matin. Est-ce que c'est un ballon de volet en mousse que tu as planqué dans la boîte? Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est bien un ballon en mousse, mais la mauvaise nouvelle c'est que ce n'est pas un ballon de volet. Non, tu charries, mec. C'est quoi ça? Tu m'énerves, il m'énerve le Jean-François. Bon, Jasmine, c'est pas pour cette fois-ci. 90 euros dans la cagnotte, on rajoute 10 euros, il y aura 100 euros lundi. Justine, tu voulais dire un truc par rapport à ça? Non, j'allais dire on finit aujourd'hui avec ça. Quoi, on enquille? Eh ben on en finit avec la boîte aujourd'hui. Quoi, tu veux encore on donner... On file 100€ là maintenant, ben, on s'est quasiment trouvé là. Ah bon, alors donc on refile 100€ maintenant, donc si jamais la personne trouve, on va pas filer 100€ comme Si vous pensez avoir la bonne réponse au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, on va essayer de vous faire gagner la cagnotte avant la fin de l'émission. Écoutez comment jouer. Vous envoyez le code EVAN suivi de votre proposition et vous envoyez ça par message au 6322. Jasmine, je te fais des milliards de bisous. Tu peux rejouer, hein, Jasmine, il n'y a aucun problème puisque tu n'as pas remporté. Le son de Rochelle va arriver juste derrière les infos sur Fun Radio. C'est vendredi, nous sommes le 24 juin, dernier jour avant le week-end. Et la semaine prochaine, nous allons partir en direct de chez Bellambra au club de Seignos. C'est juste dans le sud-ouest de la France. On sera en direct là-bas toute la semaine entre 6h et 9h. Et avec Audrey de l'Happy Hour entre 17h et 20h. Bonne journée tout le monde, c'est Fun, il est 8h. Salut Raymond. Fun. Fun Radio. Restez bien là, dans moins de 10 minutes, on vous donne l'adresse du petit déj gratos ce matin. On est du côté de Haine-Saint-Pierre, mais d'abord 8h01, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Le camp des partisans d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le Leave, est donné vainqueur du référendum organisé hier sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Se matérialise l'hypothèse à laquelle personne n'osait croire tout haut. Le Royaume-Uni devrait quitter l'Union Européenne qu'il avait rejointe en 1973. À 5h45 ce matin, le Leave comptait plus de 800 000 voix d'avance sur le camp du Remain. On attend cependant encore les derniers résultats d'une quarantaine de circonscriptions. Le résultat est un véritable camouflet pour le Premier ministre David Cameron, qui avait promis ce référendum durant la campagne électorale de 2015. Bon nombre d'habitants du Hainaut et du Brabant Wallon constatent les dégâts des orages ce matin. Ces deux régions ont été les plus touchées hier soir, avec à certains endroits des trombes d'eau et un vent très violent qui ont provoqué de très gros dégâts. À Jodogne, le hall Omnisport a été complètement détruit, a failli les ménages. Un arbre est carrément tombé sur une camionnette et un jeune Montois a malheureusement été tué sur le coup. De nombreux arbres ont été déracinés, sont tombés sur plusieurs axes autoroutiers qui sont encore fermés ce matin pour les opérations de nettoyage. La situation redevient heureusement plus calme et le pays n'est désormais plus en phase d'alerte d'orage. La grève générale menée par les syndicats socialistes francophones et néerlandophones va également perturber l'ensemble du pays aujourd'hui. L'objectif est évidemment de protester contre les mesures du gouvernement Michel. Les transports en commun seront très perturbés dans les principales villes du pays, que ce soit à la STIB à Bruxelles ou ailleurs. Le trafic sur le rail est aussi fortement perturbé. Attention également aux perturbations dans les écoles, les hôpitaux et dans de nombreuses entreprises. Il y a également pas mal de supermarchés et de grandes surfaces commerciales qui sont fermées aujourd'hui. En football, on n'a pas joué à l'Euro hier et on ne jouera pas non plus aujourd'hui. La phase de qualification est terminée et les 16 équipes qualifiées entrent dans le vif du sujet dès demain avec les 8e de finale du tournoi. Suisse, Pologne, Pays de Galles, Irlande du Nord et Croatie, Portugal sont les affiches prévues demain. Dimanche, c'est la France qui joue contre l'Irlande, l'Allemagne contre la Slovaquie. Et ensuite, le match que tout le monde attend, la Belgique face à la Hongrie, dans le match qui se jouera donc dimanche à 21h au stade de Toulouse. Les huitièmes de finale s'achèveront lundi avec un duel très attendu entre l'Italie et l'Espagne, mais aussi un match entre l'Angleterre et l'Islande qui s'est invité au rendez-vous. Un petit mot enfin pour vous dire que c'était en début de semaine, mais on l'a appris il y a quelques heures à peine. Une Australienne s'est carrément retrouvée nez à nez avec un énorme python qui s'était glissé à l'intérieur de sa maison. Le serpent, qui faisait quand même une longueur de 5 mètres, a été surpris à l'aube alors qu'il était en train de se faufiler gentiment dans la chambre d'amis. Elle l'a d'abord filmé le long du mur avant d'immortaliser en photo alors qu'il s'était enroulé sur le cadre du lit. Pour se débarrasser de l'intrus, elle a évidemment fait appel à une société spécialisée. Et puis sur Facebook, où elle a posté la photo et la vidéo, elle explique avoir déjà croisé sa route en 2012 et être quasiment certaine que ce python vivait dans le toit de sa maison depuis bien plus longtemps encore. Le python était tout simplement amoureux, love, et il voulait partager la chambre. Soutenir les Belges à la piscine. Allez Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez Kevin. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Allez Kiki, allez Kevin. Avant d'écouter le son de Rochelle, la météo du jour. Le temps sera de nouveau variable avec des averses qui se concentreront principalement sur la partie est du pays. Il fera sec à la côte et dans l'ouest de la Belgique, avec même quelques périodes ensoleillées dans l'après-midi. Et les maxima s'élèveront à 20 degrés au littoral, 23 dans le centre et 26 degrés dans le sud-est du territoire. Et puis demain, les averses viendront malheureusement régulièrement arroser l'est du pays. Le temps sera sec et ensoleillé à la côte. La météo restera plus variable à partir de dimanche et jusqu'à mercredi, avec quand même pas mal de périodes ensoleillées. Fun Radio. Alerte trafic. On fait un point sur vos conditions de circulation, Jeff. Et des ralentissements sur la A54 de Charleroi en direction de Nivelles entre Lutre et Petit-Reux. Également, ralentissement sur le ring intérieur entre Heusingen et Forêt. Et puis aussi sur le ring extérieur entre Waterloo et Uhlart. Comptez parfois jusqu'à 30 minutes de temps de parcours supplémentaire. 8h30, c'est le rendez-vous des prochaines infos. Et tout de suite, le son Dance Floor est de retour sur Fun Radio avec Rochelle. Fun. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Pour vous secouer dès le matin. Yeah. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Sur Fun Radio, vendredi 24 juin, 8h08. C'est Evan, je suis là avec toute ma tribu pour vous réveiller jusqu'à un peu plus de 9h. Et je vous dis bonjour! Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h, tout le monde est connards. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. Et ça fait trop du bien avant le boulot. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. Tribute autour de moi ce matin autour de la table en direct de nos studios ici à Bruxelles. Justine, Sœur Khalid du Jambon, hey. Jean-François, Yolande. Hey. Vous tous qui vous réveillez avec nous ce matin, on espère que vous n'avez pas trop souffert des orages, pas trop souffert des inondations. Bon courage, n'hésitez pas à nous dire quel temps vous avez ce matin chez vous, quelle température vous avez en ce moment. Les SMS sont à votre disposition, vous avez le 02 851 4x0, c'est le numéro de téléphone du standard. Et le Snapchat de l'émission, Evan et la tribu. On fête qui aujourd'hui? On fête les gens, on fête les Johan. Et les Evan et les John. Bonne fête à moi-même. 8h09, Alan Walker arrive. C'est important de s'aimer soi-même. Hein. Il paraît que pour aimer les autres, faut s'aimer soi-même. Il paraît. Hein. Il paraît. Hein. Il paraît. Il s'aime beaucoup, Khalid. Il y aura Zouf dans un instant. s'essouffle. Petit déj gratos sur Fun Radio. Sylvaine est avec nous. Bonjour Sylvaine. Bonjour, bonjour. Alors nous sommes dans la région de la Louvière ce matin. Pourquoi on t'a pris à cette heure-ci plutôt qu'à 7h15? C'est parce que tu ouvres qu'à 8h aujourd'hui. Quel est le nom de ta boulangerie? C'est le nouvel horaire en fait. D'accord. Quel est le nom de ta boulangerie? C'est aux Petites Saveurs à Anne-Saint-Pierre. Aux Petites Saveurs à Anne-Saint-Pierre, dans la région de la Louvière. Qu'est-ce que tu offres ce matin aux auditeurs qui viennent de leur part de Fun Radio? Un pain à chocolat. Eh bien, le rendez-vous est pris. Des gros bisous à toi, Sylvaine. On met tout de suite l'adresse sur le Facebook de l'émission. Evan et la tribu, vous avez jusqu'à 10h pour aller donc voir Sylvaine à Anne-Saint-Pierre dans la région de la Louvière. C'est pour le petit déj gratos. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a combien dans la cagnotte, Justine? 100 euros. 100 euros, rappel des indices. On sait que c'est un ballon. Et puis alors, juste avant, on nous a proposé un ballon de volley en mousse. Et alors, on sait que la mousse est bien la matière du ballon, mais c'était pas le bon sport. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que Justine a souhaité, juste avant 8h, de faire tomber la cagnotte aujourd'hui, avant de partir en week-end, avant notre dernière semaine qui précède les vacances de l'été. Et pour jouer avec nous, par téléphone, quelqu'un qui a envoyé Evan au 6322, 1€ par message avec sa proposition de réponse. Massit, 23 ans de Mété, avec nous en voiture en route vers le boulot. Bonjour Massy. Bonjour. Massy, bienvenue à toi. Ça va ce matin, merci. Ma doudou? Oui, très bien. Massy, t'es dans la voiture, tu as arrêté au moins? Oui, oui. Ah, parfait. Alors Massy, ce matin, pour 100 euros qu'il y a dans la cagnotte du qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François, quelle est ta proposition de réponse? Je rappelle qu'il faut être ultra précis pour remporter la cagnotte. Donc j'ai proposé un ballon de foot en mousse. Un ballon de foot en mousse, Jean-François, pour 100 euros dans la cagnotte, est-ce ou pas la bonne réponse? Et ça m'ennuie un peu parce qu'elle est de bonne humeur, mais elle va vraiment dans quelques secondes être de très bonne humeur parce que c'est la bonne réponse. Super, merci. Massy, c'est 100 euros pour toi que tu recevras prochainement sur ton compte en banque, viré par Nadine Madidine de la compta. Merci. Et 100 euros voilà, pour partir en week-end, en faire ce que tu veux, faire plaisir à ta famille, aller au resto, je sais pas. T'as déjà une idée de la manière dont tu vas les claquer ou pas? Bon, non, pas encore, mais c'est bientôt mon anniversaire, donc c'est un super cadeau. Bon, bah félicitations, bravo Massy. Merci. Qui remporte donc 100 euros de la cagnotte de la boîte. Je t'embrasse, ne raccroche pas, on va prendre toutes tes coordonnées hors antenne. La question, c'est est-ce que pour la dernière semaine avant les vacances, on fera une boîte la semaine prochaine? Ah, bah oui. Ça serait attendu parce que ça veut dire qu'on aurait que 5 jours pour essayer de faire trouver aux auditeurs. On y réfléchit, il y aura une réunion ce soir vers 18h15, les gars. Ok, 18h15 réunion. Allez, Alan Walker avec Sing Me to Sleep, on est de retour juste après. On fera un jeu spécial football avant 9h sur Fun Radio. Et Jean-François nous testera une partie d'équipe sur les connaissances du football. À mon avis, ça va être une catastrophe. Je le vois déjà venir. Allez, Alan Walker. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Talking inside your head, a song you never. Si vous venez de nous rejoindre sur Fun Radio il y a quelques instants, Massy, 23 ans de Mété, est reparti avec un virement de 100 euros sur son compte en banque grâce au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François. Jeff rappelle quelle était la bonne réponse pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, qui avaient peut-être essayé de jouer et qui n'avaient pas peut-être la bonne réponse. Eh bien, c'était un ballon de foot en mousse. Tout simplement, 100 euros pour Massy ce matin avant de partir en vacances, ça c'est cool. 8h16, Justine, il y a une info que tu as trouvée qui t'a fait beaucoup marrer. Tu vas nous donner le début, on va essayer de trouver la suite. Ouais, alors ça s'est déroulé durant la fête de la musique à Rennes, donc en Bretagne. Pas très loin de chez nous. C'était donc un jeune homme de 18 ans qui a foutu un coup de poing à un policier pour se venger de je ne sais quoi. Le mec était bourré à tous les coups, voilà, c'est ça. Il lui a foutu un coup de poing dans le dos et donc quand le flic s'est retourné, le mec est parti en courant et il a voulu escalader une grille. Et là, il s'est passé quelque chose. Que s'est-il passé ? Si vous avez une idée, SMS 3044, dès maintenant 50 centimes par envoi. Vous avez également la possibilité de jouer via le Snapchat de l'émission Evan et la Tribu ou le Facebook Evan et la Tribu. Khalid. Est-ce que c'est dégueulasse ? Un peu. Attends, révélation juste après le son de souffle avec Mia Mort sur Fun Radio. Comment bien manger quand... On est gourmand d'été. Alors là, je vois pas. Ah, à moins de manger le soleil. Eh bien, chez Deleuze, c'est ce que vous allez faire, en savourant nos délicieuses pêches et nectarines, plein de vitamines pour ces fruits cueillis juste à maturité, et donc bien juteux et plein de saveurs. Tout comme la super promo. Exact. Jusqu'au 29 juin, il y a 25% de réduction sur les pêches et les nectarines en vrac. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Et quel que soit le temps, grâce à Deleuze, on est toujours partant pour déguster une délicieuse viande pour barbecue. Fun Radio présente la Garden Party les 23 et 24 juin au parc de l'Esplanade à Hatt. Deux jours de fiesta et de son dance floor avec en live James Dino, Teddy K et Vince de Fun Radio. Ne manquez pas la Garden Party les 23 et 24 juin au parc de l'Esplanade à Hatt. Infos et réservations sur ticketmaster.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Le vendredi 24 juin, les Coca-Cola Summer Movies sont de retour. Durant toute la journée, venez profiter entre amis des meilleurs films de l'été, de surprises et de 4 avant-premières exclusives avec notamment Camping 3 et Insaisissable 2 en avant-première événementielle un mois avant sa sortie. Vendredi 24 juin, le Coca-Cola Summer Movies dans un cinéma près de chez vous. Evan et la Tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Derrière elle, son doux parfum me guide. Et j'aimerais t'entendre. j'entends sa voix si belle au timbre angélique. L'été, il est sur Fun Radio, qu'est-ce que ça fait du bien. On a eu les températures qui vont avec hier. Bon, il fera un peu moins chaud aujourd'hui, mais c'est pas de refus, hein, parce que franchement, ça collait aux bonbons hier, hein, les vêtements. Ouais, en plus, moi, j'avais pas mal de, j'adore cette expression. Pas mal de choses à faire hier où je devais me déplacer, et sans déconner, c'était... on serait cru dans un pays tropical hier. C'est vrai que la Belgique, là, je me suis dit, on n'est vraiment pas dans le nord. Hein. Une catastrophe, là, il manquait plus que les iguanes et les araignées. C'est dire. Pareil. 8h21, dans un instant, le son de Matène avec Café Delmar. Et Justine revient sur l'info qui l'a fait marrer ce matin. Oui, donc ça s'est passé à Rennes durant la fête de la musique. Un jeune homme de 18 ans a donné un coup de poing à un flic avant de partir en courant. Et puis il a escaladé une barrière et il s'est passé quelque chose. Alors on a beaucoup de propositions et celle qui revient majoritairement, je regarde les SMS qui sont arrivés là. Hello, il s'est empalé les testicules sur les pics de la grille qu'il a escaladé. Est-ce que c'est ça qui s'est déroulé? Eh ben oui, c'est exactement ça. C'était une barrière avec, tu sais, les picots en forme de flèches qui vont vers le haut. Oui, des trucs comme Game of Thrones. Voilà, c'est ça. Un peu comme des lances. Et bien sûr, donc il a dérapé et il s'est empalé les testicules. Voilà, donc il a été placé en garde à vue et puis après il a été hospitalisé. Tout va bien maintenant. Ils n'auraient pas pu faire le contraire, d'abord le placer hospitalisé. Alors, puis le placer en garde à vue. C'est ça, selon le site d'info, ça a été placé dans ce sens-là. Ah donc d'accord. Bon, en tout cas, si vous êtes du côté de Rennes, hein, c'est en Bretagne, ouais. C'est en France. Si vous passez près de cette barrière, peut-être que vous verrez un truc accroché. C'est pas à manger, hein, c'est pas un escargot. C'est juste quelqu'un qui a oublié ça là. Hein. Il a les testicules en même matière que les ballons suisses. Quelle horreur! Matin avec Café Delmar. Voilà ce que je vous ai calé. Dans 10 minutes, il y aura à gagner votre Pop 4 de chez Alcatel. Dernière occasion de le rafler ce matin avant 9h sur Fun Radio. J'aime quand on annonce du beau temps le week-end, ça veut dire barbecue. Ah, ça, c'est vrai. Un petit. À propos, tu sais ce qu'on annonce pour ce week-end? Bah, nos super petites côtes en promo, monsieur Marc, elles sont excellentes. Oui, mais pour la météo, on annonce quoi? On s'en fiche de la météo. Avec nos petites côtes, le barbecue, il est toujours réussi. Oui. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses petites côtes nature ou marinées sont à seulement 6,25€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Olas Diaz, garagisto. Mi air conditionnas es no funcionar. Conditionnas? El airco, si. Escasos. Ah, el cocasos, yo Miguel. Non, rien, on va se débrouiller. Vous partez bientôt en vacances? En ce moment, le réseau Volkswagen Skoda Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour des vacances sans souci. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Fun Radio, partenaire de DJ Mag Belgique. Le seul magazine de référence sur le DJing, le clubbing et les musiques électroniques. À la une du nouveau DJ Mag, retrouvez le phénomène Kygo. Des interviews de Boy Noize, MK, Gareth Emery, Uppermost. Un dossier spécial avec l'analyse complète du Top 100 Club. Découvrez les 100 meilleurs clubs de la planète, mais aussi toutes les news sur la saison 2016 à Ibiza. Pas de doute, toute l'actualité DJ, clubbing, électro est dans DJ Mag. En kiosque et sur djmag.be. Avec Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Comment tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunto. amanecer. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky, Jam, Saga White Black, La Industria Inc. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. Sur Fun Radio avant 9h, Jean-François, l'info, la météo, l'info trafic, va nous proposer un jeu à base de football ce matin. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Eh bien, je vais te faire jouer contre Justine. Ouais. Sur le principe d'une série de pénalties, c'est quand il y a une égalité à la fin d'un match. Donc, chacun doit tirer 5 pénalties. Mais vous, ici, ce sera 5 petites questions pour tester vos connaissances de manière générale sur le foot. Et à mon avis, il y a quelques réponses qui vont bien nous faire rire. Bon, ce sera tout à l'heure aux alentours de 8h45. Ce qui est drôle, c'est de tester Justine et moi sur le foot. Moi, je suis vraiment une bille. Justine est sans doute meilleure au foot. Moi, je suis une grosse bille et toi, t'es une bille. Voilà. C'est ce qu'on va dire. Salut Evan et la tribu, quel est l'artiste et le titre qui est passé à 8h28? Eh bien, c'est ce que je viens de passer. Maten avec Café Del Mar 2016. Comme ça, tu sais. À suivre, le son de Maître Gims. Et dans un instant, il y aura également du Pep & Rush. Et bienvenue à tous sur Fun Radio et bon début de journée. Il est 8h30, l'actualité de ce vendredi, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Le camp des partisans d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le Leave, est donné officiellement vainqueur du référendum organisé hier sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union Européenne à 51,9% des voix selon les derniers résultats. Résultat donc définitif. Se matérialise l'hypothèse à laquelle personne n'osait croire tout haut. Le Royaume-Uni va donc quitter l'Union Européenne qu'il avait rejointe en 1973. Le résultat est un camouflet pour le Premier ministre David Cameron qui avait promis ce référendum durant la campagne électorale 2015. Il va évidemment falloir mesurer les conséquences de cette sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. L'homme armé qui s'était retranché hier après-midi dans un cinéma de l'ouest de l'Allemagne a été tué par la police de Wirnheim, une ville située à 75 km du sud de Francfort, a confirmé qu'il avait été abattu lors de l'assaut donné par les forces de l'ordre. Si dans un premier temps, de nombreux médias allemands avaient fait état de nombreux blessés, ce sont finalement des personnes qui ont souffert d'intoxication par des gaz lacrymogènes qui ont dû être soignées, mais il n'y a donc pas de victimes. L'homme portait une ceinture de cartouche autour de l'épaule lorsqu'il a pénétré dans le cinéma vers 15h en tirant en l'air. Selon plusieurs informations confirmées, cette action n'a pas de lien avec le terrorisme. Chez nous, le nombre de migrants qui transitent à la côte belge en espérant gagner la Grande-Bretagne est en baisse, selon le gouverneur de Flandre occidentale, Karl de Caluë. Il souhaite organiser une quinzaine d'actions de contrôle par mois afin de maîtriser la situation. En février, un millier de réfugiés étaient dénombrés à la côte. La semaine dernière, il n'était plus que 65. Ces migrants espèrent rejoindre le Royaume-Uni via le port de Zeebruges au début de l'année. Des contrôles aux frontières avaient été instaurés avant d'être suspendus au moment des vacances de Pâques. Ces contrôles ont alors été remplacés par des équipes mobiles. Le gouverneur souhaite désormais effectuer 15 actions coordonnées par mois avec le soutien de la police fédérale. Bon nombre d'habitants du Hainaut et de Brabant Wallon constatent les dégâts des orages ce matin. Les deux régions ont été les plus touchées avec à certains endroits des trompes d'eau, un vent très violent qui ont provoqué de très gros dégâts. À Jodogne, le hall Omnisport a été détruit, a failli les ménages, un arbre est carrément tombé sur une camionnette et un jeune Montois a été malheureusement tué sur le coup. De nombreux arbres ont été déracinés, sont tombés sur plusieurs axes autoroutiers qui sont encore fermés ce matin pour plusieurs opérations de nettoyage. La situation redevient plus calme et le pays n'est désormais plus en phase d'alerte orage, fort heureusement. Un petit mot enfin pour vous dire que c'est la grève générale qui est menée par les syndicats socialistes francophones et néerlandophones qui va perturber l'ensemble du pays aujourd'hui. L'objectif est de protester contre les mesures du gouvernement Michel. Les transports en commun seront très perturbés dans les principales villes du pays, que ce soit à la Stive à Bruxelles ou ailleurs. Le trafic sur le rail est aussi fortement perturbé. Attention aussi aux perturbations dans les écoles et les hôpitaux. Et de nombreuses entreprises doivent aussi tourner au ralenti, de même que certains supermarchés ou certaines grosses enseignes. Quelqu'un me dit par SMS, vous pouvez pas faire une annonce en disant que le clignotant n'est pas une option lors de l'acquisition d'une voiture et que c'est fourni avec. Il se situe à gauche du volant et c'est utile pour savoir où l'autre va, genre pour éviter de se faire rentrer dedans. Voilà, c'est signé, je crois que c'est Ariane qui me dit ça. Donc voilà, je pense qu'elle est un petit peu en train de râler contre les autres automobilistes. Merci pour le message Ariane, il est passé. La météo, Jean-François, pour aujourd'hui, ça donne quoi? Un temps de nouveau variable avec des averses qui vont se concentrer principalement sur l'est du pays. Il fera sec à la côte et dans l'ouest de la Belgique avec quelques périodes ensoleillées dans l'après-midi. Les maxima températures s'élèveront à 20 degrés au littoral, 23 degrés dans le centre et jusqu'à 26 degrés dans le sud-est du pays. Un petit mot quand même sur cette question à laquelle tu es sollicité par les auditeurs. Hello les rondelles, est-ce que Jeff peut me dire si les centres commerciaux sont fermés aujourd'hui ou pas, plus précisément à Liège? Merci et bonne fête Evan, merci à toi. Eh bien on prévoit effectivement de grosses perturbations et donc je pense que c'est peine perdue parce qu'ils vont aller, il y aura des piquets de grève qui vont les empêcher de rentrer dans les centres commerciaux. Il paraît même, je sais pas si c'est du mytho, qu'ils vont bloquer Walibi. Ah oui, j'ai vu ça aussi, effectivement. Oui, oh oui. Putain, non, les mecs, tout ce que vous voulez, mais pas Walibi. Laissez les kangourous tranquilles. Il y a plusieurs écoles qui avaient d'ailleurs prévu des voyages qui l'ont simplement annulé. Oh non, c'est pas cool. Sans déconner, c'est pas cool pour les enfants. Vous pouvez tout toucher, allez, arrêter les trains, barrer les autoroutes, mais pas Walibi, quoi. Et pas pour les enfants, sans déconner. Mais t'imagines, une grève, c'est censé être répressif, c'est censé faire chier le monde, en fait. Mais pas les enfants. Mais non, sérieux, pas les enfants, c'est leur sortie, là. On touche pas aux enfants, voilà, ça se fait pas. Enfin, si vous êtes gréviste et que vous avez envie de défendre votre point de vue et me dire Evan t'es qu'un connard, vous pouvez le faire, hein. Vous m'envoyez un message par SMS au 3044, 50 centimes par envoi. Vous pouvez même appeler au 02 851 4x0. Mais très sérieusement, c'est avec le ton de la déconne dans cette émission, c'est important, mais faites pas chier les enfants, quoi. Non, ce serait top en fait qu'ils se pointent devant Walibi mais ils payent les places des gens. Ah en ça fait, ça serait génial, bien, c'est à dire qu'en fait non, ils laissent passer les enfants et ils leur disent voilà bah aujourd'hui c'est gratuit, c'est offert par donne-moi un nom d'un syndicat là, je connais pas, CGC, la FGTB, la FGTB paye ton Walibi aujourd'hui, tu vois, ouais. Et bah ça serait classe, mais on touche pas aux voyages scolaires des enfants. Parfois les gamins ils ont attendu de bosser pendant 10 mois à l'école en disant bon je vais bosser parce que j'aurai mon voyage à Walibi à la fin. Donc, vous voyez ce que je veux dire, touchez pas aux enfants, touchez pas aux enfants pendant la grève. Oui, touchez pas aux enfants, surtout aux enfants. Pour aller à Walibi. Merci, il m'a cassé mes paroles, je m'en fous. Ouais. Déconne et son dance floor, Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Et ton fils, et ton fils, bless, Matuidi, Ribéry, Benzema, oh, Pogba, Pogboum, what are we, what I know. Elle a jeté son cœur en fleuve, à part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était du côté passager dans le Merco Benz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le grand primo n'est pas gratuit. Passe du côté passager dans le Merco Benz. Elle est Bugatti, Honda, Zou, Zou. Porsche, Panamera, Zou, Zou. Bugatti, Verona, Zou, Zou. Berlinetta, Zou, Zou. Bugatti, Honda, Zou, Zou. Porsche, Panamera, Zou, Zou. Bugatti, Verona, Zou, Zou. Berlinetta. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Ça ira, ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffre. Sentiment de ralentis, tu t'effrites peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, passe du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, passe du côté passager dans le 6 mois 5. Sur Fun Radio, spécial jeu de foot avec le quiz de Jean-François. C'est ce qui va arriver avant 9h. Le son de Pep & Rush également va débarquer. On parlait de la grève il y a deux secondes là, et je disais, voilà, c'est pas cool de bloquer Walibi parce qu'il y a des enfants qui doivent y aller, peut-être que des enfants ont annulé, etc. Et j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez des précisions, n'hésitez pas à nous informer. Quelqu'un me dit, je suis entièrement d'accord avec toi, Eva, nos enfants ne peuvent pas subir ce que nos foutus politiciens font, donc laisser faire. Oh là là, la phrase n'est pas complète. Hein. C'est une demi-phrase. Bon, enfin, t'as compris que tu râlais, que t'étais d'accord avec moi. Yolande, on a eu quelqu'un au téléphone qui me disait, Evan, c'est Walibi Inside qui fait grève pour cause de licenciement abusif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous a dit l'auditeur? Il ne pouvait pas passer au téléphone parce qu'il est au bureau là. Oui, il avait une réunion. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il devait amener sa fille à Walibi ce matin et l'école les a prévenus qu'en fait, donc c'était plus possible. Et en fait, il disait, mais il disait source à vérifier, mais c'est ce qu'on lui a dit, qu'à Walibi, on a profité de la grève pour en même temps faire cette action parce qu'il milite contre un licenciement abusif. Mais en fait, est-ce que ça veut dire quand même que les enfants qui ont prévu le voyage à Walibi seront bloqués aujourd'hui? Ah, mais non, ses enfants n'y vont pas. Lui, il a dit sa fille, elle est chez ses grands-parents aujourd'hui. Oh, voilà. Comment elle doit être trop déçue. T'imagines quand t'es enfant que tu dois passer. Tu sais que tu vas aller à Walibi depuis longtemps. C'est pas genre, tu sais, tu te lèves le matin, on fait tiens, au fait, aujourd'hui, il y a un voyage scolaire à Walibi. Bon, généralement, t'as prévu la veille un casse-croûte, t'as prévu la petite bouteille de coca, le petit jus de pomme, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La compote? Non, mais la compote, les chips? Que serait un voyage scolaire sans les chips? Tout ce que tu ne manges pas, entre guillemets. Les chips que tu sais, tous tes copains ils veulent te voler parce que toi t'as la saveur poulet braisé. Tu dois te cacher pour les manger tranquille. Et que, en fait, t'as pris un petit paquet de 50 grammes et qu'il y a tous tes copains qui te disent si tu me donnes pas un peu de tes chips, on te donnera pas un petit peu de coca, c'est dégueulasse. Saveur poulet braisé, mais tu dis sur ça. Moi j'ai trouvé ça le week-end dernier, mon fils il a trouvé ça dans un magasin qui s'appelle Intermarché, je crois. Et c'est dans le nord de la France. Ouais, mais ça à côté de Bonne-Saint. En gros paquet, non? Oh oui. Ouais. C'est bien,

7h35 sur Fun Radio. Bonjour à vous, si vous venez de nous rejoindre à l'instant, c'est Evan, c'est la tribu, on est là tous les matins entre 6h et 9h. Le son de Kungs va débarquer sur Fun Radio. Toutes nos bêtises sont sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Vous avez le Snapchat également qui va vous permettre ce matin encore de suivre toutes nos bêtises et envoyer surtout des photos, des vidéos sur Fun Radio, ça nous fera plaisir. Alors, vous entendez derrière moi, peut-être qu'il y a un petit une petite musique de suspense. Pourquoi donc ? Eh bien, car en ce vendredi 24 juin, nous allons faire un quiz football avec Jean-François. Et c'est lui, Jean-François, l'info, la météo, l'infotrafic, qui a proposé de jouer avec ce quiz. Pourquoi t'as eu l'idée de ce quiz, Jeff ? Parce que je me dis, tiens, c'est la période de foot, c'est la période de l'Euro, donc on parle beaucoup de foot, et je sais que toi, t'es pas calé du tout. Et donc, voilà, après, je pense, et j'ai envie que Justine te batte, donc voilà. Alors, ouais. Si vous pensez avoir la bonne réponse aussi, vous jouez de votre côté. Hein, SMS 3044, 50 centimes par envoi. Il y a ce match qu'on va faire entre Justine et moi, façon pénalty. Façon pénalty. C'est-à-dire. Mais il y a 5 questions qui sont prévues donc, pour chacun. Vous allez répondre à votre tour et Khalid qui va gentiment comptabiliser les pénalty. Puis si jamais on arrivait au bout à égalité, eh bien, il y aura à ce moment-là une question de départage. Donc là, il faudra me donner un chiffre pour vous départager. Oh, ça me fait peur. Je suis tendu, Natacha, je suis tendu. Comme d'habitude. 8h46, on va faire ça en deux parties. Voici la première partie du quiz foot de Jean-François. J'affronte Justine et je te préviens, la vieille, je vais te piler. Eh oh ! Ok ? C'est dégueulasse. Accroche-toi, Doudou. C'est parti. Ouais. Alors, pour Evan, vrai ou faux, un but mesure 7m32 de large. Je vais au hasard. Faux. Mais c'est vrai. Oh merde, ça part mal. Justine, Zinedine Zidane a été formé à l'Olympique de Marseille, vrai ou faux ? Vrai. C'est faux. Il a été formé à l'AS Cannes. Ça, je savais pourtant. À Evan, vrai ou faux ? Dans le film Joue là comme Beckham, le joueur anglais s'improvise entraîneur pour une équipe amateur féminine. Vrai. Non, c'est faux. Il apparaît pas dans le film. Justine, quel accessoire apparu en 1891 permet de vérifier que le but a bien été marqué ? Un accessoire ? Oui. Une caméra ? Non, c'est simplement le filet. Alors encore une question pour chacun. Attends, il faut quand même dire qu'elle a dit en 1800 une caméra. Une caméra. Hein, ouais. C'était pas encore sorti. Même Louis Lumière, je sais pas s'il avait commencé les photos. Hein. Ouais. On continue. Alors, quel joueur néerlandais a été sacré meilleur buteur européen en 1986 ? C'est pour moi ? Oui. Bah oui. Répète la question, s'il te plaît. Quel joueur néerlandais a été sacré meilleur buteur européen en 1986 ? Je peux répéter la question parce que je comprends pas où vous parlez dessus. C'est une blague. Mais un joueur néerlandais, donc un joueur des Pays-Bas, ouais, a été meilleur buteur européen en 86, donc il y a 30 ans. C'est vrai que c'est un mec hyper connu. Néerlandais ? Oui. Tu sais pas où c'est la Néerlandie ? Si, mais non, j'en sais rien. Il s'appelait Marco Van Basten. J'aurais pas su. Et alors, encore une question pour Justine. Alors, passe redoublée en zigzag entre deux joueurs, en progression parallèle, et j'amène le danger dans le camp adverse. Qui suis-je ? Messi ! Non, c'est le 1-2. Donc on est à 0-0, on fait 3 questions. On continue ou... Alors, nous allons marquer une petite pause sur Fun Radio et revenir dans un instant avec ce quiz football. Ou alors, vraiment, mais c'est pas, on est des nuls. On est des... Là, je confirme. On est des gros nuls quand même. Hein. Oh mon dieu! Même le hasard, il veut pas de vous. Il parle de qui, du joueur? Oh oh, Kungs va arriver dans un instant sur Fun Radio. Et la suite de ce quiz pour les nuls. Enfin, pour les nuls, pour Justine et moi surtout. Le week-end, tous les DJ sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h. Avec Oli sur Fun Radio. Party Fun. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin. Avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Oskan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Crème solaire ? Check. Enfant ? Check. GPS. Je viens juste d'acheter le nouveau TomTom. Allons explorer toutes les routes d'Europe et ça sans frais de roaming. Oh, la route est à nous maintenant. Ah, je me sens comme un doudou down. C'est magique, je sens déjà le vent souffler dans mes cheveux. Ok, je remonte la vitre. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Rendez-vous chez Krefel et découvrez la sensation TomTom avec l'infotrafic en temps réel. Fun Radio. Fun Radio. It's a strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heated, it's hard to feel. son dance floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Sur Fun Radio, Willy William avec Chris Cap, c'est ce qui arrive d'ici 9h. Je vais maintenant appeler l'un ou l'une d'entre vous. Vous êtes inscrit en envoyant POP, POP par SMS au 6322 pour 1€ par message. Je vais vous appeler pour vous offrir le dernier POP 4 de chez Alcatel à rafler ce matin dans l'émission sur Fun Radio. Il y en aura d'autres à gagner cet après-midi. Ce sera entre 17h et 20h dans l'Happy Hour avec Audrey. Ça sonne, normalement c'est parti. Allô. Oui, bonjour, quel est ton prénom? Étienne. Bonjour Étienne. Étienne, oui. Tiens-le bien. Oh, oh, on me l'avait jamais fait. J'imagine. Référence aux années 80 sur Fun Radio. Étienne, t'as décroché, c'est gagné, bravo. Ouais. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Il fait du cheval. Pourquoi tu dis enfin j'ai quelque chose? T'as déjà joué beaucoup de fois et on t'avait rien filé, c'est ça? Yes. Bon, le casino. Et bah tu vois, c'est l'occasion de prouver que ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu repars avec mon POP 4 de chez Alcatel que tu recevras directement chez toi. Et surtout ne raccroche pas, je te repasse Yolande en antenne. Je te souhaite un bon week-end. Nous allons terminer le quiz foot qu'a proposé Jean-François. Rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce que tu as proposé ce matin. Et bien donc tu joues contre Justine sur le principe de tir au but. Donc une série de 5 tirs au but pour vous départager, avec des petites questions qui concernent le foot comme on est en plein euro. Donc c'est un peu le foot pour les nuls. Et Khalid va vous confirmer que c'est vraiment le quiz foot pour les nuls, puisqu'on a fait les 3 premiers tirs au but et c'est 0 partout. Voilà, on est totalement nuls. Voici la suite du questionnaire. Top. Evan, acrobatique, tir au but, je frappe fort un ballon quand il est en l'air. Qui suis-je? Bicyclette. Non, là, c'est la reprise de volée, mais c'était bien essayé. Justine, avant l'instauration des tirs au but en 1971, les matchs nuls étaient rejoués parfois plusieurs fois en cas de match à élimination directe. Est-ce que c'est vrai ou faux? Elle a pas compris la question. Si j'ai compris. Dis oui, oui, vrai. Eh ben c'est une bonne réponse. Ouais, Justine. Attention, attention. Si je réponds correctement, il y a la finale. Elle mène 1-0. Donc si tu rates maintenant, elle a gagné. C'est ce que j'ai dit. Donc si je remporte correctement, si je remporte correctement, il y aura une finale entre nous deux. Il y aura un point partout. Bah oui. Non, parce qu'elle aura encore un essai après. Ah merde. Ah oui. Bon vas-y. Oui, c'est ça que je voulais dire. Donc si jamais je rate. Evan, vrai ou faux? La Belgique est devenue à l'Euro 2000 le premier pays hôte incapable de s'extraire de la phase des groupes d'un euro. Donc c'est la première fois en 2000 que le pays hôte n'est pas sorti des qualifications. Vrai. C'est vrai. Bien joué. Attention, je le savais. Je le savais. Attention, je le savais parce qu'ils ont dit l'autre fois c'était la première fois qu'ils atteignaient attention, je crois les 8e ou un truc comme ça. Justine a encore une chance de gagner. Après il y a peut-être une question une de départage. Justine, je te donne une affirmation, tu me dis si c'est vrai ou faux. Si le foot se joue à 11, c'est parce qu'à l'origine en Angleterre, une équipe comprenait une classe de 10 élèves et un professeur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah putain. Même moi je sais pas. Vrai. Eh bien, c'est une très bonne réponse. Victoire de Justine. Bravo Justine, ouais, je te félicite, tu as remporté avec deux bonnes réponses ce quiz football. En ce qui me concerne, je vais aller me rhabiller maintenant au vestiaire. En direction le son de Willy William et Chris Cab sur Fun Radio. C'est Paris pour aller jusqu'aux infos à la météo de Jean-François. Ah, c'est Fun Radio, bonjour. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, Paris, Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Fun Radio, c'est Evan, c'est la tribu. Dans un instant, du son dance floor, de la déconne. Je vous ai calé Julianne Peretta. Il y aura également du Naskid et du Chris Cab avec Youssoufa sur Fun Radio. Nous sommes vendredi. Bon réveil, bonjour. Fun Radio. Fun. Restez bien là, dans moins de 10 minutes, on vous fera un rappel de l'adresse du petit-déj gratos. Ce matin, on est du côté de Haine-Saint-Pierre, mais d'abord 9h01, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Le camp des partisans d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, le Leave, est donné officiellement vainqueur du référendum organisé hier sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union Européenne, à 51,9% des voix. Se matérialise donc l'hypothèse à laquelle personne n'osait croire. Le Royaume-Uni va donc quitter l'Union Européenne qu'il avait rejointe en 1973. Le résultat est un véritable camouflet pour le Premier ministre David Cameron, qui avait promis ce référendum durant la campagne électorale 2015 et qui vient de confirmer qu'il resterait bel et bien en place. On attend de voir quelles conséquences cette sortie de l'Union Européenne de la Grande-Bretagne vont avoir et de cette décision prise par les Britanniques. Chez nous, bon nombre d'habitants du Hainaut, du Brabant Wallon constatent ce matin les dégâts des orages. Ces deux régions ont été les plus touchées hier soir, avec à certains endroits des trompes d'eau et un vent très violent qui ont provoqué de gros dégâts. À Jodogne, le hall Omnisport a été détruit, a failli les ménages. Un arbre est carrément tombé sur une camionnette et un jeune homme montois a malheureusement été tué sur le coup. De nombreux arbres ont été déracinés, sont tombés sur plusieurs axes autoroutiers, dont certains sont encore partiellement fermés ce matin pour les opérations de nettoyage. La situation redevient plus calme et le pays n'est désormais plus en phase d'alerte orage. La grève générale menée par les syndicats socialistes francophones et néerlandophones perturbera l'ensemble du pays aujourd'hui. L'objectif est de protester contre les mesures du gouvernement Michel. Les transports en commun seront très perturbés dans les principales villes du pays, que ce soit à la Stive, à Bruxelles ou ailleurs. Le trafic sur le rail est aussi fortement perturbé. Attendez-vous à des perturbations dans les écoles et les hôpitaux et de nombreuses entreprises devraient aussi tourner au ralenti. La plupart des centres commerciaux et des grandes surfaces sont également fermés aujourd'hui. On n'a pas joué à l'Euro hier et on ne jouera pas non plus aujourd'hui. La phase de qualification est terminée. Les 16 équipes qualifiées entrent dans le vif du sujet dès demain avec les 8e de finale du tournoi. Au programme de la journée de demain, Suisse-Pologne, Pays de Galles, Irlande du Nord et Croatie-Portugal. Dimanche, c'est la France qui jouera d'abord contre l'Irlande. L'Allemagne jouera contre la Slovaquie. Et enfin, la Belgique face à la Hongrie dans un match qui se jouera à 21h au stade de Toulouse et que tout le monde attend bien évidemment. Les 8e de finale s'achèveront lundi avec le duel très attendu entre l'Italie et l'Espagne, mais aussi un match entre l'Angleterre et l'Islande qui s'est invité au rendez-vous. Un dernier mot pour vous dire qu'un vigneron espagnol a eu l'idée de bouleverser les classiques vin blanc, rosé et rouge. Un notable de fait en y invitant désormais un vin bleu. Cette couleur peut sembler artificielle et ne plaira peut-être pas aux adeptes de la tradition, mais la méthode de fabrication est tout à fait naturelle. C'est grâce au pigment naturel l'anthocyanine présent dans la peau du raisin que cette couleur est possible. Ce qui est moins naturel, c'est l'édulcorant que contient le vin bleu. Ce sera sans doute un effet de mode le temps d'un été ou deux, un peu comme le rosé pamplemousse les années précédentes. Mais nul ne doute qu'il se le retrouvera sur bien des tables, à consommer évidemment avec modération. Fun Radio. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. La météo pour ce vendredi, Jean-François, après une nuit agitée, est-ce que ça va se calmer un peu aujourd'hui? Eh bien, le temps sera de nouveau variable avec des averses qui se concentreront principalement sur la partie est du pays. Il fera sec à la côte et dans l'ouest de la Belgique avec des périodes ensoleillées dans l'après-midi. Les maxima s'élèveront à 20 degrés au littoral, 23 dans le centre du pays et jusqu'à 26 degrés dans le sud-est du territoire. Samedi, des averses viendront régulièrement arroser l'est du pays. Le temps sera sec et ensoleillé à la côte. La météo restera variable de dimanche à mercredi prochain avec des périodes ensoleillées. C'est Carlo que vous retrouvez à midi pour les prochaines infos. Moi je vous retrouve dès lundi et tout de suite c'est le retour du son Dance Floor sur Fun Radio. Fun Radio. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce, 'cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Du son Dance Floor, le Daddy Con tous les matins entre 6h et 9h avec vous toutes, vous tous. Ça fait plaisir encore une fois ce matin. Vous étiez là au taquet par vos SMS sur le Snapchat de l'émission et au 02851 4x0. Doxo, ça arrive. Chris Cab avec Youssou Fire, du Dimitri Vegas et Like Mike, ou encore Naskid avec la voix d'Amine. C'est ce qui va débarquer dans un instant et c'est ce que vous a surtout programmé Lloyd. Bonjour Lloyd. Bonjour Evan. Lloyd qui arrive jusqu'à 13h avec toutes les heures, plus de 40 minutes de son Dance Floor non-stop. Lloyd, nous allons offrir maintenant dans cette émission un beau cadeau puisque nous partons dès demain direction le sud-ouest de la France grâce au club Bellambra. Le morning plus l'émission d'Audrey, l'Happy Hour entre 17h et 20h sera en direct d'un club Bellambra à Seignos. Tu connais un petit peu Seignos? Pas du tout. Alors c'est dans le sud-ouest, c'est à combien de kilomètres de Biarritz environ, Justine? Alors je ne sais pas du tout. Je crois que c'est Google une centaine Map, de kilomètres. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire comme activité avec les auditeurs qui vont nous accompagner? On va faire du surf, on va faire de l'acrobranche, on va faire des... Comment ça s'appelle? C'est le paradis du surf là-bas, du paddle. Oui, du paddle, c'est ça. Du paddle, du hamac. De la farniente. Ouais, ouais, grave. En tout cas, on va bien profiter et je pense que ce sera une bonne semaine de teuf. C'est juste avant de partir en vacances, dernière semaine de la saison. Donc, ce sera la semaine prochaine dès 6h et nous allons offrir à l'un ou l'une d'entre vous maintenant son séjour avec nous. La personne, garçon ou fille, va partir dès demain matin. On lui fera conduire le bus pendant 12 heures pendant que nous, on dormira. C'est évidemment la seule contrainte. Khalid. C'est à 43 km de Biarritz. Sérieux? Ouais. Ah, je voyais pas ça aussi près. Eh bien, on a appris quelque chose. Seignos est à 43 km de Biarritz. Musique de suspense. Nous allons appeler maintenant l'un ou l'une d'entre vous qui a tenté de remporter sa semaine de vacances direction le club Bellambra de Seignos. C'est qui ça? C'est Lloyd. Il fait un bruit bizarre. C'est le matin. C'est pas ça. Allô? Oui, bonjour. Quel est ton prénom? Oui, bonjour. Je m'appelle Bastien. Bastien, c'est ça? Oui, ça, oui. Bastien, t'habites dans quel coin? J'habite Jodogne. Jodogne, Bastien, Bastien, pas facile à dire, Bastien. Bastien de Jodogne, quelle est la seule et unique radio qui va t'emmener en vacances avec nous au club Bellambra? Ah, c'est Fun Radio? Oui, c'est gagné! C'est vraiment trop génial. Eh ben écoute Bastien, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres, tu pars demain matin avec nous, le départ est à 5h30. Demain soir, tu seras au bord de la côte atlantique. Je sais que l'eau est à 20 degrés en ce moment, qu'ils annoncent une belle semaine estivale. Il y a eu beaucoup d'inscriptions pour cette belle semaine de cadeaux, tu nous accompagnes. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu partageras la chambre de Justine. Entre copines. Oh non, moi j'aurais voulu avec Camille. Ça peut se négocier, t'inquiète. Je t'embrasse en tout cas, à demain matin. Bisous mon Bastien, passe une belle journée. Avant de se dire au revoir, c'est l'heure de manger grâce au petit-déj gratos. Petit-déj gratos sur Fun Radio. Rappelle-nous où nous sommes jusqu'à 10h ce matin pour vous faire payer le petit-déj gratos sur Fun Radio. Nous sommes à Aisne-Saint-Pierre, donc du côté de la Louvière, chaussée de Mons, numéro 29. Et c'est la boulangerie aux petites saveurs. Et c'est Sayen qui vous attend pour vous offrir un pain au chocolat par personne. Notez bien, vous avez jusqu'à 10h pour aller prendre le petit-déj gratos. Vous n'avez pas le temps de noter l'adresse, allez sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. On se retrouve dès lundi en direct à partir de 6h. Dès lundi, on sera là. Bisous tout le monde. Bon bisous Evan, bon week-end. Nous on est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio. Chris Kabiyou Soufa dans un instant. Dexos également. Et voici Naski des Trackstorm et Amine sur Fun Radio. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Dans la place, Boba est dans la place, Miami